stylé l'ordinateur. T'as vu? Mais il a dû te coûter un bras, non? Un peu. Tu sais, j'ai dû m'équiper pour mon école d'ingé. Ah ouais? Mais attends, il doit rien te rester pour payer ton école. Si, si. Pour l'école comme pour l'ordi, j'ai mon prêt étudiant. Avec BNP Paribas, empruntez jusqu'à 200 000 euros selon vos besoins pour financer vos études en toute flexibilité. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Voir conditions sur mabanque.bnpparibas. La bière Bud, avec un indice d'amertume international de 10, est l'une des bières les plus douces du marché français. Son brassage plus long lui donne sa saveur si fraîche et son goût si doux. Découvrez Bud, la bière ultra douce. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Ligue 1 Plus disponible sur Prime Video avec 8 matchs en direct chaque week-end. Retrouvez les plus grands chocs de la saison, suivez les derbies les plus mythiques et profitez du meilleur de la Ligue 1 McDonald's. Offre de lancement immanquable, économisez 24 euros la première année. Ligue 1 Plus disponible sur Prime Video. 12,99€ par mois avec un engagement de 12 mois. 14,99€ par mois après les 12 premiers mois. Offre valable du 11 au 31 août 2025. Le contenu peut inclure des publicités, conditions générales sur Amazon.fr. Mais en fait, je me rappelle de la nutritionniste qui ne nous a pas cru. Parce que si le gros est gros, c'est qu'il mange obligatoirement. Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort. Mets-toi à l'aise, tu vas voir, on est bien ici. Sois sage et parle fort est le podcast pour oser, se changer, ne pas se conformer, se cultiver, s'interroger. Toi qui m'écoutes, tu m'inspires. Toi qui aimes, danse, ris, tu m'inspires. Sois sage et parle fort est l'espace où je peux librement donner voix à des sujets qui nous touchent tous et toutes. Donner la parole à ceux et celles qui ont des messages à partager. Je sème des graines, par-ci, par-là, et parfois ça pousse et ça fait du bien. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, alors bienvenue. Et si tu m'as déjà écouté, alors re-bienvenue à toi. Mets-toi à l'aise dans tous les cas, ça va être bien. Car aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager la seconde partie de l'échange que j'avais eu avec Azilis au sujet de la grossophobie, mais aussi et surtout des réseaux sociaux, des troubles du comportement alimentaire et plus encore. Si tu débarques tout juste et que tu n'as pas écouté la première partie de l'épisode, je te conseille quand même de commencer par la première partie, sinon ça va arriver un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Bref, en tout cas, si tu as écouté la première partie, eh bien, profite bien de cette seconde partie, car elle est mitonnée aux petits oignons et tu vas adorer. Je dois vous avouer que cet échange m'a apporté énormément et j'espère qu'il vous apportera autant que ce que j'ai appris aux côtés d'Azilis. Alors, bonne écoute. Mais en fait, je me rappelle de la nutritionniste qui ne nous a pas cru. Parce que si le gros est gros, c'est qu'il mange obligatoirement. Oh là là. T'as eu la chance, entre guillemets, oui, finalement, de pas tomber dans le piège parce que il y a un nombre mais inquantifiable de personnes qui sont aujourd'hui grosses parce que elles ont enchaîné les régimes. C'est-à-dire, je pense que quelqu'un qui a un rapport de base sain à l'alimentation, qui est un mangeur, une mangeuse intuitive, un régime et ça fout tout en l'air. Ça fout tout en l'air parce qu'on se met à mettre des aliments dans la case aliments interdits ou bien on se met à faire des cheat meals une fois par semaine, c'est open bar. Et du coup, ça peut effectivement complètement bouleverser le rapport à l'alimentation des personnes qui, à la base, avaient des rapports à l'alimentation plutôt sains. Et toi, tu estimes que alors, tu avais un rapport dans à l'alimentation dans le sens où je n'ai jamais diabolisé d'aliments. J'ai toujours mangé de tout avec grand plaisir, tu vois. Enfin voilà, des légumes avec plaisir. Ça n'a jamais été oh là là, il faut que je mange des légumes, oh là là. Par contre, j'ai un rapport émotionnel à la nourriture. Donc en ce sens-là, c'est pas sain entre guillemets. Alors ça, c'est quelque chose que je suis encore en train de travailler en thérapie à l'heure actuelle. Mes émotions, au lieu de les ressentir, de les laisser passer, de les accepter, de les exprimer, elles passaient dans la nourriture. C'est aussi bien le fait d'être triste, le fait d'être en colère, le fait d'être stressée, le fait d'être contente, d'être joyeuse. Tous les motifs étaient bons à manger. Je ne suis pas dans un rapport boulimique à la nourriture, mais par contre, je vais très facilement manger sans avoir faim. C'est-à-dire que si effectivement je rentre du boulot, je suis stressée, hop, je vais me faire un petit snack. snack alors que j'ai pas faim, et je vais remanger après parce qu'il est 20h et que c'est l'heure de manger. Mais c'est vrai que l'alimentation est très émotionnelle, enfin, c'est aussi de l'ordre de l'instinctif et c'est très étroitement lié à la notion de plaisir et à la notion de vie. Et tu n'es pas la seule, et dans le versant opposé, c'est-à-dire la restriction ou même la compulsion, c'est toujours une histoire d'émotion qu'on n'arrive pas à gérer autrement que par ce biais-là qui est juste une stratégie d'évitement. Mmh, tout à fait. Le fait que tu aies été végane, que tu aies tenté d'être végane, est-ce que quelque part ça a pu participer à des frustrations et donc probablement des envies, entre guillemets, encore plus de te lâcher, quoi? Parce que j'imagine bien que quand tu es végétarienne et que tu essayes d'être végane, tu essayes d'imposer un certain contrôle quand même, parce que tu es obligée de voir s'il n'y a pas du lait, s'il n'y a pas des œufs dans les produits. Enfin, c'est pas simple. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui a été ma grosse difficulté pour cocher cette petite case végane, hein, clairement. C'est-à-dire que ça a révélé effectivement un peu une obsession, hein, de la nourriture. C'est-à-dire que pour moi, c'était vu comme une privation. Alors que le fait d'être végétarienne, pour moi, ça n'est pas du tout vu comme une privation. Alors que j'adorais la viande, hein, clairement, j'étais très viandarde. Mais alors vraiment, j'ai pu arrêter du jour au lendemain avec une facilité absolument déconcertante et sans que ça se répercute sur le reste de mon alimentation. Par contre, quand j'ai tenté de faire la même chose avec le véganisme, c'est-à-dire donc de supprimer les produits laitiers, le sacro-saint fromage, les œufs, etc., là, ça n'a pas été la même limonade. Hein. C'est-à-dire que ces aliments sont devenus des obsessions. Les alternatives que j'ai testées n'étaient pas franchement extrêmement satisfaisantes et surtout, le volet social était ingérable. C'est-à-dire que pour moi, aller au resto, manger des frites et une salade et dire « Non, mais c'est pas grave, si je mange que ça, l'important c'est de passer un moment convivial. » Ben non. En fait, quand je voyais qu'il existait un plat végétarien qui contenait du fromage, c'était horrible pour moi de m'en priver parce que je savais que je passais à côté de quelque chose qui m'aurait régalé. Du coup, ça générait énormément de frustration. Et du coup, il t'arrivait de craquer et de culpabiliser par rapport au fait que tu remplissais plus la case, ou est-ce qu'il y avait vraiment une vraie sensibilité face à la consommation de fromage pour des raisons éthiques ou environnementales? La sensibilité, je l'ai toujours, mais effectivement, ça ne m'a pas empêché de craquer et effectivement de beaucoup culpabiliser, évidemment. Du coup, maintenant, tu manges du fromage et des œufs? Oui. Alors, pas à tous les repas, voilà. Mais effectivement, moi, ce qui m'a permis de regagner de la sérénité, ça a été de m'enlever cette étiquette végane. Donc, je commence tout doucement à en parler sur les réseaux sociaux, parce que clairement, la communauté végane n'est pas la plus tendre qui soit face aux gens qui reviennent un peu en arrière. Donc, j'avoue que j'ai tenté au maximum de me protéger des réactions. Alors après, il se trouve que je dois avoir une communauté qui est vraiment peuplée de petits bisounours adorables, parce que j'ai jamais eu de réaction négative. Quand j'ouvre la parole là-dessus sur mon compte Instagram, je reçois énormément de messages de personnes qui me disent qu'ils sont dans le même cas que moi, pour les mêmes raisons ou pour d'autres types de raisons, que ça soit pour des raisons de troubles du comportement alimentaire, que ça soit pour des raisons de santé, parce qu'il y a des personnes qui ont des pathologies intestinales, gastriques, qui font que par exemple manger trop de céréales ou de légumineuses, ça les rend malades comme pas permis, ou même pour des personnes qui n'osent pas s'affirmer. Moi, je suis désolée, mais c'est aussi pour moi une raison qui est valable à un moment donné. Tu vois, dans un contexte d'un repas au travail, par exemple, de ne pas vouloir attirer l'attention sur soi et de juste switcher sur l'option végétarienne et de ne pas demander si c'est possible d'avoir quelque chose de vegan. Parce que moi aussi, j'ai pu être jugeante. Hein. Moi aussi, j'ai pu dire ça va, c'est facile en fait à faire. Hein. Il suffit de le dire, il suffit d'eux, il n'y a que ça, il y a machin. Et en fait, c'est vraiment pas si simple. Et quand j'ouvre la parole là-dessus sur mon compte Instagram, je reçois vraiment plein de messages de personnes qui sont comme moi, qui ont eu les mêmes difficultés et qui n'osent pas en parler aussi. C'est fou parce qu'en fait, de base, on devrait se dire, mais en fait, chacun fait comme il veut, comme il peut, comme il l'entend. Et c'est quand même assez triste qu'une communauté qui se veut au départ bienveillante dans le sens où elle prône le respect des animaux, de l'environnement ou des choses comme ça, qui finalement deviennent parfois critiques envers ceux qui font un choix différent d'elles. Alors que j'ai envie de dire, si demain je décide de manger du gibier et de la viande, qu'est-ce que ça peut faire à quiconque en fait? Et même si demain tu décidais de manger du canard gras, qu'est-ce que ça pourrait faire en fait? Et c'est dingue comme les étiquettes et le poids des réseaux sociaux peut être puissant, mais le côté aussi social, même au travail, c'est assez impactant parce que tu as toujours peur de passer pour la personne chiante, entre guillemets, de dire ah oui, mais là je peux pas parce que naninana, est-ce que vous pouvez enlever ça? Est-ce que vous pouvez faire ça différemment que machin? Ça devrait pas l'être, mais c'est quand même gênant. Je comprends dans une certaine mesure parce que moi-même, en étant donc végétarienne à tendance végane, on va le dire comme ça, on a l'impression d'avoir, je ne sais pas comment le dire, sans paraître pédant. Alors je vais essayer, on verra bien ce que ça donne. On a l'impression d'avoir compris quelque chose que les autres n'ont pas compris en termes d'impact de la consommation de viande, d'impact de l'élevage, de l'éthique que ça ça représente. Et du coup, on se dit qu'une fois que nous, on l'a compris et ressenti dans notre chair, on ne peut plus revenir en arrière, en fait, parce que c'est trop impactant, ça nous rend trop triste. Donc, d'une certaine manière, je peux comprendre. Sauf que effectivement, d'une manière tout à fait perso, ayant vu que je ne pouvais pas y arriver, ça m'a fait mettre de l'eau dans mon vin. Mais je pense que moi aussi, j'ai pu être dans le passé un peu intolérante face aux personnes qui disent « Oh là là, j'arrive pas à être végétarienne, c'est trop compliqué ». Avant, je sais que j'avais un peu tendance à répondre de manière agressive. Maintenant, j'avoue que je suis quand même vachement plus tolérante, en fait. Je pense que c'est un privilège immense, en fait, de pouvoir être capable de dire « c'est facile de », parce qu'en fait, tu peux retrouver ce même discours chez les personnes qui prônent un mode de vie. Je vais te donner les exemples, mais parce qu'on les voit beaucoup, zéro déchet, bio, machin. Tout à fait. Et en fait, tu as un privilège de classe qui est immense. Tellement. Et j'en avais parlé dans l'épisode sur la culpabilisation écologiste, où finalement, tu as aussi ce même discours très culpabilisant et très moralisateur des personnes qui achètent des tomates en hiver, etc. Sauf qu'en fait, nous n'avons pas du tout les mêmes accès aux informations et aux ressources nécessaires ou au temps nécessaire pour se consacrer à toutes ces questions-là, en fait. Oui, tout à fait. Là, je suis absolument à 200% d'accord avec toi. Et par contre, je trouve que ça, c'est des notions qui ont du mal à passer dans un milieu un peu grand public qui n'a pas déconstruit ces notions un peu de privilège-là. C'est des notions qui ne sont pas forcément évidentes. Alors, on en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux, donc je pense que ça se démocratise un peu. Mais effectivement, ouais, je pense que ça nécessite d'avoir soi-même quelques ressources en termes de connaissances sociologiques, d'appétence pour ce genre de recherche, etc. Et effectivement, moi, je vois que quand je dis « Non, mais en fait, être végane, c'est un privilège, tout le monde n'y a pas accès », j'ai des réponses très terre-à-terre de personnes qui me disent « Bah si, c'est hyper simple, ça prend pas plus de temps de cuisiner végane, si tu sais pas cuisiner, t'ouvres une boîte de pois chiches et puis voilà, c'est simple. » Mais je vois bien que des fois, oui, on n'arrive pas à passer l'étape du dessus, à se dire « Non, mais en fait, c'est pas de ça que je parle pas du pratico-pratique, je parle de la charge mentale, je parle d'avoir juste l'espace mental de pouvoir se questionner là-dessus, quoi, tout simplement. » C'est ça, et en fait, je pense que c'est pour ça qu'on parle vraiment de privilège, et j'en suis revenue aussi, c'est que je pense qu'on passe aussi par cette étape où on se dit « Non, mais c'est facile, manger des fruits et légumes tous les jours, c'est facile. » Ben non, en fait. Il y a des gens qui n'ont jamais été sensibilisés à toutes ces questions-là, et pour qui ça passe mais à 10 000, et pour qui la seule question importante, ça va être « Est-ce que je vais terminer le mois ?» C'est vraiment un privilège que l'on voit sur les réseaux sociaux et qui, sous couvert de bienveillance et de « je vais vous apprendre, c'est hyper simple à vous organiser, on fait du meal prep, on fait machin et tout ». Et je regarde tout cet environnement avec beaucoup de bienveillance maintenant parce que ça me fait sourire, parce que ça sert à rien de s'énerver contre ces discours-là, mais je le regarde avec beaucoup de « tu sais, ce côté, ah là là ». Tu vois, je fais aussi des choix parfois qui ne sont pas cohérents avec un mode de vie sain et zéro déchet, mais en fait, c'est comme ça. Je fais pas de compost, je pourrais faire toujours plus, mais je n'ai pas envie et je n'ai pas l'espace mental et je n'ai pas l'envie de mettre de l'espace mental ou de la charge en plus pour ouais, ça. Ouais, tout à fait. C'est tout. Et j'en suis totalement à l'aise avec ça. Ça demande quand même une déconstruction qui n'est pas évidente. Oui. Mais d'ailleurs, les réseaux sociaux, venons-en. Est-ce que l'avènement des réseaux sociaux aide ou au contraire entérine encore plus la grossophobie ou en tout cas les critiques et les jugements sur le corps? Est-ce que c'est pour toi plutôt un vecteur positif de changement ou est-ce que c'est un vecteur plutôt négatif? Alors, j'ai le droit de répondre les deux. Je pense que c'est les deux. Alors, il faut savoir que moi, j'ai un usage des réseaux sociaux où je m'entoure de comptes qui me font du bien. Donc, si je ne parlais que de moi, je te dirais, les réseaux sociaux, c'est magnifique, on y a toute la diversité du monde, c'est extraordinaire, machin. Sauf que bon, si effectivement je dézoome un peu sur le reste qui existe, bon bah là, je crois que c'est un peu moins réjouissant et que le jugement est encore extrêmement présent, que ça soit sur soi-même ou sur les autres, hein, c'est-à-dire aussi bien des gens qui laissent des commentaires que des personnes qui sont juste très très dures avec elles-mêmes. Je pense qu'il y a vraiment les deux. C'est le reflet de la société, donc il y a effectivement encore toute une partie de la société qui n'a pas du tout cheminé sur la grossophobie et qui a encore ces critères de minceur qui sont encore complètement là et qui sont du coup exacerbés sur les réseaux sociaux, sur Instagram d'autant plus vu que c'est un réseau social de l'image. Pourquoi est-ce que sur ce réseau social, il n'y a finalement que des images de corps normés? Parce que c'est ce qu'on retrouve finalement. Donc est-ce que ça entretient aussi l'idée que tout ce qui est différent n'est pas normal? Complètement. Et d'ailleurs, ce que tu me dis me fait associer avec l'idée que sur Instagram, donc il y a quand même des personnes qui existent avec des corps différents, qui se montrent donc dans des photos photos, pas forcément dénudées d'ailleurs, parfois si, parfois non. Et très souvent, ces photos-là sont censurées par Instagram en fait. Alors que la même photo d'une personne normée en maillot de bain ne va pas être censurée. Donc elles sont censurées parce qu'elles contreviennent aux standards de la communauté. Ça veut dire que c'est Instagram qui bloque ou est-ce que ça veut dire que c'est des gens qui ont bloqué ? Je pense que c'est des gens qui signalent en fait. Donc il y a des gens profondément grossophobes qui passent leur temps probablement à signaler des photos qui leur paraissent de personnes qui considèrent que ça ne mérite pas d'exister. Quoi. Tout à fait. Alors que dans le même temps, Instagram laisse visibles des publications extrêmement sexualisées, alors de corps très très très normés, des publications très sexistes, extrêmement sexualisées, limite porno, hein, clairement. Et ça reste en ligne, voilà. Alors que des corps différents, des gros plans sur de la cellulite, sur des bourrelets, des choses comme ça, c'est censuré. Ben oui et non, parce qu'en même temps, il y a aussi toute une espèce de mode depuis quelques, enfin mode c'est pas le terme, mais depuis plusieurs mois, il y a de plus en plus de photographies, d'images, de contenus qui mentionnent le hashtag body positive ou on veut du vrai ou ce genre de truc, en prétendant être, c'est assez paradoxal parce que en montrant des corps soi-disant hors normes, comme étant devoir être la norme, enfin en disant c'est comme ça qu'on est en vrai les femmes, en véhiculant ça, quel est l'impact selon toi? Est-ce que ça justement ça met encore plus l'accent sur la différence ou est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est positif? Est-ce que ça a un impact réel? J'arrive pas trop à savoir parce que tu vois souvent le côté body positive, si tu leur dis ouais non mais non la nana là elle est mince, elle a rien de hors norme. Et ils vont te répondre, ouais, mais en fait, c'est pas une question de poids, le body positive, c'est une histoire à l'intérieur de comment tu te sens. Et tu vois, je suis assez mitigée parce que du coup, je me dis, c'est dommage, parce qu'au départ, le mouvement body positive, c'était un mouvement qui était pour défendre une minorité. Et ça a été vraiment galvaudé, je sais pas. Ouais, c'est un très vaste sujet. Effectivement, comme tu dis, le terme body positive a complètement été vidé de sa substance. Quand j'en parle un peu autour de moi, j'aime bien revenir sur l'histoire. Il faut savoir qu'avant de parler de body positive, on parlait historiquement de fat acceptance. Le fat acceptance, c'est un mouvement social qui est né aux États-Unis dans la fin des années 70, qui a été créé par des personnes grosses et racisées pour réclamer un meilleur traitement des personnes grosses et plus de visibilité. Ce mouvement, il a été remis au goût du jour à la fin des années 90 pour les mêmes raisons, essayer de diminuer les discriminations faites aux corps différents et amener plus de visibilité sur ces corps-là qui étaient complètement invisibles des médias mainstream à l'époque. On est parti de là et là on arrive à un body positif qui est devenu du marketing, tout simplement. C'est un argument qui est utilisé par des marques, par exemple, qui se disent body positive, qui se disent inclusive, alors qu'elles vont jusqu'au 42, bon bref, parce qu'elles postent une photo où on voit un brin de cellulite, où on voit un petit poil d'aisselle. Enfin, il faut vraiment avoir en tête que le body positive, c'est pas un mouvement pour lutter contre les complexes. Le body positive, c'est un mouvement qui avait pour but de combattre la grossophobie. Donc la grossophobie, on en parlait tout à l'heure, c'est celle qui laisse les gens sur le carreau au niveau de l'emploi, au niveau des soins. On ne parle pas de complexe. Donc c'est pourquoi je suis souvent jugée radicale. Mais oui, moi ça me gêne de voir les personnes minces s'approprier ce hashtag. Alors après, je suis d'accord, tout le monde peut avoir des complexes, quelle que soit notre apparence. Et oui, ces complexes peuvent réellement nous pourrir la vie. Ça, j'en suis absolument persuadée, je ne le nie pas. Par contre, le body positive, c'est pas ça. En fait, c'est la reprise d'un terme qui appartient et qui appartenait à un mouvement voilà, vraiment militant. Et c'est utiliser ce hashtag ou ce mot, c'est quelque part s'accaparer une cause qui n'a rien à voir avec ce qu'on essaye de dire parce que, genre, j'accepte mes complexes, ça pourrait être appelé amour de soi. Complètement. Et d'ailleurs, on le voit bien dans la petite loupe de recherche sur Instagram de taper le hashtag body positive et de regarder les dernières publications. Et on verra qu'on va voir 90% de corps normés. Enfin, ou disons des corps, on va dire, qui sortent du 36, mais qui vont pas au-delà du 44. Ah non, clairement pas, voire pas au-delà du 40, hein, des fois, hein, vraiment. Donc, encore une fois, les personnes grosses se retrouvent invisibilisées du mouvement qu'elles ont créé. Donc, c'est quand même pas de bol. Moi, je commence à un peu faire le deuil, on va dire, de ce hashtag, en tout cas. De lui préférer le hashtag fat acceptance, fat positivity, par exemple, ou éventuellement body neutrality. Body neutrality, je l'aime bien, parce qu'il nous libère un peu d'une injonction à aimer notre corps. Parce que le body positive, quand on rajoute positive à un mot, bon bah, ça peut aussi un peu être vu comme une injonction à nous aimer. Je crois que c'est pas le but. C'est revendiquer le fait d'exister. Mais s'aimer n'est pas obligatoire, en fait, clairement. On veut juste exister, on veut juste avoir accès aux soins, avoir accès à l'emploi. Et si on peut s'aimer, c'est cool. Si on n'en est pas là, c'est ok aussi. Body neutrality, ça me plaît bien, parce qu'en fait, ça rappelle aussi que, oui, on a besoin de cette visibilité enfants, on n'est pas que des corps. Et tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le côté body positive, de rajouter positif, c'est quand même dur de rendre normal ou logique de s'aimer et de s'accepter. Et comme si c'était un cheminement qu'on devait tous faire et auquel on devait tous aboutir. Sauf qu'en fait, le droit à être respecté ne devrait pas dépendre de son amour propre pour son corps. Et sans même parler d'amour et d'éloge de son corps, genre je m'aime et j'ai appris à m'accepter, tout machin, ça enlève en rien le fait que l'on fasse un 32, un 46, un 59, non ça n'existe pas, un 58. On n'a pas à être mal jugé et à être irrespecté et à être discriminé parce que ça n'a aucun rapport. Et c'est vrai que je vois énormément de comptes d'influenceuses qui, sous couvert d'acceptation et de prôner un mode de vie, d'amour de soi, machin, qui respire la santé, le bien-être et les papillons, s'accaparent des hashtags qui, au départ, appartenaient à une cause où c'était des personnes qui n'avaient pas accès à 1% de ce qu'elles ont comme privilège. Ne serait-ce que de pouvoir s'habiller dans des magasins. Et du coup, on parle certes d'une partie de la population qui est quand même minime, effectivement. Des personnes vraiment en situation d'obésité, il y en a quand même un pourcentage plutôt minime par rapport à la population globale. Mais c'est dommage de s'accaparer un mouvement et d'en faire quelque chose effectivement de marketing, parce que ça vend très bien l'acceptation du corps, l'acceptation de soi. Et puis maintenant, tu as tout un truc autour aussi de l'alimentation intuitive, etc., qui s'y mêle. Enfin, c'est compliqué, je trouve, d'y voir clair. Et les réseaux sociaux sont quand même assez parlants des idées qui sont véhiculées par la société. Je pense que c'est quand même une transcription directe, plus ou moins, voilà, de ce que la société prône. Complètement. Alors, heureusement, dans toute cette diversité de représentations au niveau du body positive, il y a quelques comptes qui, à mon sens, sont vraiment à suivre. Donc, en anglais, il y a Body Posy Panda. C'est donc Megan qui a eu un parcours d'anorexie et qui a regagné du poids et qui parle très, très, très, très bien du vrai body posy. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup suivre, qui parle aussi beaucoup de santé mentale, qui a écrit aussi un bouquin qui est très intéressant. Et en français, j'aime beaucoup les comptes de Gras Politique, tu en as parlé dans ton introduction, de Corps Gros et de Corps Cool, qui sont donc des personnes concernées, qui partagent aussi bien des vignettes un peu personnelles que du contenu vraiment beaucoup plus politisé et engagé. Et je trouve que voilà, de suivre ces comptes-là, ça permet peut-être de mieux comprendre, d'aller encore plus loin que là les échanges qu'on a eus, pour se rendre compte voilà, de ce que c'est d'être une personne grosse sur les réseaux aussi. C'est des chouettes comptes, du bon contenu. Peut-être que le conseil, ça serait vraiment d'éviter les comptes. Enfin, comment on pourrait dire, est-ce qu'il faut éviter les contenus qui prônent du body positive alors qu'ils ne le sont pas? Alors, je ne sais pas s'il faut les éviter, mais en tout cas, il ne faut pas être dupe, je dirais. Donc, peut-être continuer à les suivre s'ils nous font du bien sur d'autres aspects, mais en gardant un peu dans un coin de notre tête cet esprit critique quand on voit le hashtag body posy sur une minette en maillot de bain qui fait du 36, on peut se dire, bon, ça ne me plaît pas, mais tant pis. Bah, du coup, dans la même continuité des réseaux sociaux, comme tu es dans le milieu food, est-ce que ce milieu-là est d'autant plus vecteur d'injonctions? Est-ce qu'il y a des déviances en matière rapport corps-alimentation? Parce que dans le monde de la création de contenu culinaire, on retrouve quand même aussi ces mêmes personnes un petit peu privilégiées qui prônent des modes de vie quand même assez privilégiés. Pour des personnes privilégiées, du coup, qu'est-ce que tu en penses de ce sujet-là? Alors, bah, ça rejoint un peu ce qu'on se disait dans le sens où Instagram, c'est vraiment notre société qui s'y exprime. Donc, du coup, évidemment, on va retrouver ce type de contenu. Après, moi, clairement, je le fuis pour mon propre bien. Je ne suis absolument aucune de ces personnes. Et je suis même extrêmement radicale et intolérante là-dessus. C'est-à-dire qu'admettons, je vais m'abonner à un compte food parce que j'aime bien les photos, etc. Et si, par exemple, sur une des publications, la personne va se dire « Ah bah tiens, ce soir, c'est burger, allez, on craque ce soir, on fera gaffe demain. » Hop là, moi je clique sur « Hop, se désabonner !» Voilà. Donc voilà, et je le fais, mais c'est devenu un réflexe. Et du coup, ouais, c'est vraiment pour ma propre santé, parce que ce genre de contenu me fait me hérisser le poil, me fait avoir l'estomac qui se tord. Donc, c'est pas ça que je cherche quand je vais sur Instagram. Donc, clairement, moi, là, je me désabonne à tout va. Non, mais t'as bien raison. Je fais régulièrement un tri sur le mien aussi pour... Est-ce qu'elle m'apporte quelque chose, elle? Non. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait me sentir bien? Parce que me faire du bien, je sais pas. Ou alors, on peut le prendre le contre-pied. Est-ce que ça me fait me sentir mal? Est-ce que ça me fait me sentir pas à la hauteur? Bon, ben, dans ces cas-là, moi, je vire. Ou est-ce que cette personne-là véhicule des idées avec lesquelles je suis pas d'accord? Bah, dans ces cas-là, pouf. Est-ce que toi, actuellement, tu es dans une démarche ou en tout cas tu penses essayer de changer le regard porté sur les personnes grosses? Si oui, éventuellement, nous donner des pistes sur quels seraient selon toi les moyens pour que sais pas si je contribue à ça. J'ai pas forcément l'impression d'y contribuer parce que, bon, effectivement, quand je fais des posts qui sont relatifs à mon image, à mon rapport, à mon corps, à la grossophobie, etc., les retours que j'ai, ils sont à 99% positifs. J'ai quelques vieux gars qui viennent commenter en me disant que j'ai qu'à aller crever, etc. Mais je supprime et je bloque et c'est vite fait, quoi. Mais c'est des gens qui ne me suivaient pas avant, qui sont venus là par le biais des hashtags, je pense. Bon, voilà, je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont vraiment sur Instagram, juste ils passent leur temps à aller sur des hashtags qui les énervent et à être désagréables avec les gens. Là où j'ai peut-être plus d'impact, c'est sur la manière dont les gens se voient eux-mêmes. C'est-à-dire que quand je fais ce type de post où je parle de mon rapport à mon corps, j'ai beaucoup de partages, que ce soit en commentaire ou en message, de gens que ça a touché personnellement, mais sur leur vécu à eux avec leur propre corps, que ce soit des personnes grosses ou pas. Là-dessus, j'ai l'impression d'avoir un impact parce qu'il y a des personnes qui m'écrivent pour me dire que ça leur a permis de se sentir moins seule, que ça leur a donné de la force. Et ça, bah, moi, ça me donne aussi de la force. Je me dis que si j'ai contribué à faire se sentir mieux, ne serait-ce qu'une personne, bah, c'est pari gagné, quoi. Ben moi, en tout cas, tes posts et tes photographies m'ont juste... Si jamais on nous écoute, allez voir les photographies d'Azilis, parce que tu es trop trop belle dessus. Les photos sont vraiment... c'est une très belle série que tu avais faite, donc j'adore. Merci. Mais du coup, nous, comment on peut faire évoluer ça, nous, monsieur, madame, tout le monde? Alors, je crois qu'en fait, comme toutes les autres formes de mots qui terminent en phobie, hein, homophobie, etc., je pense que ben, la solution, elle passe par l'éducation au sens très très large, que ça soit en famille, que ça soit à l'école, que ça soit dans l'espace public. Et pour moi, ça passe aussi par une diversité des représentations. On veut des livres, on veut des films, on veut des séries avec des personnages divers. On veut des personnages gros, on veut des personnages grands, on veut des personnages maigres, on veut des personnages handicapés, on veut tout ça. Et je pense que c'est vraiment ce qui va contribuer à faire que chacun pourra s'identifier plus facilement et à faire à ce que les gens pourront s'enlever de la tête que le personnage gros, c'est soit le méchant de l'histoire ou soit le flemmard de l'histoire. Et alors, petite anecdote, parce que j'ai fini pas plus tard que hier soir de regarder à nouveau toutes les saisons de Buffy. Donc il faut savoir que Buffy, ça a été la série de mon adolescence que j'ai absolument adorée à l'époque. Qui déjà qui joue dedans, c'est pas Sarah Michelle Gellar, ouais, tout à fait. Et du coup, ouais, Buffy, ça a été tourné de 97 à 2003. Déjà, pour l'époque, c'était quand même une série révolutionnaire parce que bah, on a une héroïne qui est tueuse de vampires, qui est donc un métier féminin, déjà voilà, et on a une héroïne qui n'est pas un cliché féminine, mais sans être bimbo. Elle n'est pas masculine, parce qu'ils auraient pu prendre ce contre-pied-là, tu vois, de faire un personnage un peu badass, etc. Non, non, non, pas du tout. C'est juste une lycéenne qui se met à, voilà, à avoir cette mission-là. Donc vraiment, le parti pris de base était quand même très très chouette. Et moi, c'est une série qui m'a vraiment donné beaucoup de force, etc. Je pense qu'il a contribué à m'aider à m'affirmer à l'époque. Et par contre, je me faisais la réflexion. À un moment donné, dans la série, il y a le personnage de Tara qui arrive, hein, qui est donc un personnage secondaire au départ. Et je me rappelle que quand j'étais ado, donc déjà un peu grosse, Tara était le personnage auquel je m'identifiais le plus, ressemblait le plus à qui j'étais. Parce que toutes les actrices, dont Buffy, sont extrêmement minces. Et Tara arrivait avec son petit, allez, taille 40 peut-être. Et c'était le personnage la plus approchante d'une personne grosse qu'il y avait dans la série. Donc Tara n'est absolument pas grosse, mais alors vraiment pas. Là, c'est en la revoyant à l'écran, ça m'est revenu et je me suis dit, oh là là, mais c'est vrai qu'à l'époque, je m'identifiais à Tara parce que j'avais personne d'autre à qui m'identifier. Mais en fait, elle était tellement pas grosse, mais tellement pas. Mais attends, mais c'était l'époque en plus où c'était même pas des... Les actrices n'étaient pas minces, elles étaient maigres. Elles étaient maigres à l'époque, oui. C'était la mode des crop tops avec les ventres, mais plat, plat, plat, plat. Ouais. En plus, Sarah Michelle Gellar, dans Buffy, elle est vraiment filiforme. Hein. Elle est très filiforme. Willow aussi. Enfin, vraiment, les personnages féminins sont très, très, très, très, très, très filiformes et secs, tu vois. Ah mais oui, c'était la même période Sex and the City, quand tu vois les nénettes qu'il y a dedans, comment elles sont fichues. C'est plus du tout ce que tu vois d'ailleurs actuellement dans les séries. Le corps dans les médias a quand même évolué vers quelque chose de beaucoup plus... Alors, le problème, c'est que maintenant, on dévie sur un corps féminin qui est musclé, qui a des seins, des fesses, et puis entre les deux, c'est tout mince. C'est ça. Un autre délire. Pour te donner l'exemple que Buffy, c'était une série qui était quand même féministe pour l'époque, etc. Mais tu vois, voilà, il n'y avait pas de personnage racisé, pas de personnage handicapé, il n'y a pas de personnage gros. Clairement, moi, j'aurais adoré, quand j'étais ado, pouvoir m'identifier à une personnage grosse. Et ça, ça a été le cas avec une série qui est plutôt récente. Alors, je n'ai pas les années en tête. Une série anglaise qui s'appelle My Mad Fat Diary. Ah oui, elle est géniale, cette série. Bah, c'est la meilleure série de tous les temps. Je pense qu'il faut se rendre à l'évidence, quoi. Il faut savoir, je suis très très difficile. Enfin, genre, d'accord. Au bout de 5 minutes, ça ne m'accroche pas, je ferme. Et là, pour le coup, voilà, on a une vraie meuf grosse qui a une santé mentale fragile. Et c'était tellement touchant d'avoir évolué dans son groupe d'ados. Ça m'a renvoyé à plein de choses que j'ai vécues. Là, je me suis sentie représentée. C'est tellement rare et je pense que c'est fondamental, vraiment. C'est fondamental, mais c'est surtout important aussi que ça ne soit pas un motif supplémentaire de marketing, parce que le truc, c'est encore, j'y retombe, mais tu vois maintenant aussi beaucoup de publicités qui évoluent sur le plan de l'image, etc., et qui vont être beaucoup plus, qui vont intégrer ou mettre en avant ou représenter des personnes plus normales et qui représentent la totalité de la population, mais c'est quand même beaucoup pour des visées marketing, en fait. Oui, et tu vois, tu as des séries qui font des efforts de représentation. Je pense à Sex Education, par exemple, qui est une série Netflix sur des ados qui parlent beaucoup de sexualité. Donc là, pour le coup, tu as des personnages racisés, tu as des personnages queer, donc ça, c'est vraiment super. Et par contre, où il y a un personnage secondaire, évidemment, on ne va pas mettre non plus des gros en personnages principaux, bref, il y a un personnage secondaire qui est complètement ridiculisé, un gros bêta, et qui pense qu'à bouffer. Et on le voit, à un moment donné, il s'étale au milieu du couloir du lycée, il fait tomber ses raisins, je crois, ses raisins au chocolat, et il est là, oh là là, mes raisins, oh là là. Et c'est la seule représentation d'une personne grosse qu'il y a dans cette série. Tu sais, ça me fait penser à un truc, c'est qu'en même temps, on a intériorisé aussi beaucoup que c'était drôle, le gros qui se rétame, tu vois. Donc en fait, c'est hyper dur de faire changer quelque chose. Enfin, parce que pour le producteur de film, c'est du rire facile, parce qu'il sait que ça va marcher. Comment tu fais pour changer un truc inconscient, collectif, intériorisé à ce point? Et en plus de ça, imagine, tu fais la même chose avec une anorexique que tu fais tomber dans le couloir en disant « Ah non, mince, mince, j'ai perdu mon papier avec la liste des calories. Ah non, tu vois, ce serait pas... » Enfin, genre, les gens, ils réagiraient en mode « Pas sûr que le truc soit aussi drôle, tu vois. » Je schématise, parce qu'en fait, c'est complètement faux aussi. Ça serait intéressant de faire une contre-série où toutes les stéréotypes habituellement observés soient inversés. Tu vois ce que je veux dire? Genre que ça soit les gens minces qui soient les deuxièmes gros bêtas, et que ça soit que, par exemple, des personnes grosses ou maigres qui soient des héroïnes. Ça évolue, mais c'est tout doucement. C'est des tout petits pas, et je pense qu'effectivement, oui, c'est ça hein, en termes de représentation. Bon, ben voilà, on y arrive tout petit à petit, et je pense qu'au fur et à mesure, ça sera de plus en plus présent. Tu me posais la question par rapport à la grossophobie aussi, de manière générale. Tu vois, j'ai beaucoup parlé de mes expériences de grossophobie dans le milieu médical. Je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire là-dessus, tu vois, à faire informer les soignants dans l'accueil des personnes grosses, à avoir une meilleure compréhension des troubles du comportement alimentaire, à laisser tomber l'IMC qui veut tout et rien dire, enfin voilà. Bien sûr, mais je pense que de toute manière, il y a un gros travail au niveau de la santé psychique et de fait aussi des troubles alimentaires, parce que il y a encore malheureusement énormément de services de prise en charge du trouble du comportement alimentaire en France qui sont dans une violence envers les patients et patientes, mais inouïe. Ça commence à changer, mais néanmoins, il y a des personnes qui ont été détruites par des passages dans des hospitalisations où la prise en charge était inadaptée. Sur ce que tu dis pour la lente évolution, je pense que c'est en ça qu'on peut aussi parler des réseaux sociaux comme quelque chose de positif, dans le sens où, à condition de pouvoir laisser s'exprimer ces comptes-là, il est possible de voir émerger des nouvelles tendances et des nouvelles versions de la réalité. Et c'est aussi en ça que les réseaux sociaux peuvent être positifs, c'est qu'ils peuvent quand même apporter parfois un discours différent, à condition de les laisser s'exprimer, et ça c'est encore un autre débat. Oui, j'en suis persuadée aussi, et d'autant plus que là, Instagram, depuis l'année dernière, je trouve, est en train de prendre un gros tournant militant. Il y a de plus en plus de comptes militants qui, c'est très rigolo, parce que je pense que les créateurs d'Instagram ne s'y attendaient pas, mais qui détournent complètement Instagram, qui est un réseau social de photos à la base, pour en faire un réseau social de texte en fait, hein, avec des, voilà, des petits textes à faire défiler comme ça, comme si c'était des photos. Et du coup, il y a des comptes militants sur beaucoup de sujets, il y en a évidemment sur qu'on a cité, hein, sur la grossophobie aussi. Et quand on sait la moyenne d'âge des utilisateurs, je me dis que le fait que des pré-ados, des ados aient accès à ces comptes-là, au lieu d'attendre 35 ans pour déconstruire leur regard porté sur les personnes grosses, bah, s'ils peuvent le faire à 13 ou 14 ans. Je trouve aussi que Instagram prend un tournant militant qui était déjà présent sur Twitter et qui commence à prendre le pas aussi sur Instagram. Ça n'a rien à voir avec la période il y a 2-3 ans encore. Mais écoute, nous allons aller vers la fin de cet épisode, parce que je pense que nous avons quand même fait le tour sous toutes ces coutures du sujet, même s'il y aurait probablement encore plein de choses à dire, et je suis certaine que les personnes qui réagiront à cet épisode auront peut-être leur mot à dire sur certaines choses que l'on a dit, et j'espère. La question ultime que je pose à chaque fois, sois sage et parle fort, qu'est-ce que t'inspire cette phrase et comment tu te l'appropries dans ta vie ? Alors j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette formulation. Déjà, j'aime bien les expressions détournées. Et alors celle-ci, elle est particulièrement bien trouvée. Si. Bravo à toi. Vraiment, elle est super parce qu'elle est paradoxale. Sois sage et parle fort. Bon, on ne s'attend pas à ce que ça aille ensemble. Et pourtant, ça a vraiment tout son sens. Elle me parle beaucoup parce que je trouve qu'elle peut venir un peu

juste pas filiforme, mais ça faisait peur, quoi. Que je sois pas une fille comme il faut, jolie, bonne à marier, etc., etc. Bah, à force d'intégrer tout ça, j'ai fini par faire mon premier régime pendant les vacances d'été, entre la 6e et la 5e. J'ai perdu 11 kilos pendant les 2 mois d'été, sous un tonnerre d'applaudissements général de toute ma famille. J'ai vu que le regard de tout le monde a changé, tout le monde me félicitait, c'était bien. J'étais partagée, j'étais contente de me sentir plus jolie dans le regard des autres, mais moi je me voyais pareil finalement. Dans l'année qui a suivi, bah, j'ai eu mes premières règles, donc les hormones, etc. J'ai repris énormément de poids et je me suis stabilisée jusqu'à environ mes 15 ans. Là, clairement, j'étais ce qu'on peut appeler ronde. Et ma mère a commencé à me refaire du chantage pour que je perde du poids. Tout le temps, la bouffe, le poids, l'apparence. Je le vivais comme une injustice et il n'y avait ni risque pour ma santé. J'étais pas spécialement grosse, je devais faire un 40, mais bon. J'ai eu une rupture amoureuse, ouais, qui a fait que j'ai quasiment pas mangé pendant une semaine parce que j'étais triste, etc., etc. Donc naturellement, j'ai perdu du poids très vite et plus je perdais, plus j'avais envie de perdre et ça a commencé à déraper parce que je me pesais matin et soir, avant les toilettes, après les toilettes, je passais des heures à regarder mon ventre, il fallait absolument qu'il soit creux. C'était vraiment devenu une obsession, j'allais me faire vomir après tous les repas. J'ai aussi commencé à me mutiler parce que clairement il y avait un gros mal-être qui accompagnait tout ça. Je me sentais plus jolie, mais c'était à travers l'image que me renvoyaient les autres. Moi, je me voyais toujours en souffrance et dans cette envie qu'on me foute la paix, quoi. Donc voilà, cette période-là a duré quasiment 2 ans. Bon, ma mère a fini par me surprendre à me faire vomir. Elle m'a emmenée voir une psy et j'y suis allée 2 fois. Et la perspective d'y retourner m'a tellement traumatisée parce que j'ai vraiment détesté ça que les choses se sont un peu faites d'elles-mêmes, quoi. Il y avait ça, il y avait le bac qui approchait, etc. Je me suis un petit peu détendue. Peut-être que je commençais à développer une sorte de colère vis-à-vis de tout ça. Ça n'a pas été très très simple parce que forcément, après autant de privations, ça a quand même été une violence de m'alimenter à nouveau. J'ai beaucoup repris de poids malgré le fait que je faisais toujours autant de sport. Et j'ai essayé à peu près tous les régimes possibles et imaginables. Et entre chaque régime, forcément, j'ai fait du yo-yo. J'ai repris plus de poids que ce que j'avais perdu. Et c'est ça qui m'a fait grossir en fait au fil des ans, devenir la grosse qu'on avait peur que je devienne. C'est à force de faire des régimes. Ouais. Et c'est à partir de là en fait que j'ai commencé à me dire je touche plus à rien. Donc ouais, j'ai continué à grossir. Et une fois que j'ai passé la barre des 100 kilos, finalement ça a été une libération. Je me souviens qu'un médecin m'avait dit qu'il fallait surtout pas, hein, tant qu'on reste en dessous ça va. Alors que j'étais déjà grosse et déjà avec un IMC qui dépassait entre guillemets la norme. Voilà, j'ai dépassé ces 100 kilos et je me suis dit ça y est, enfin, je suis la grosse que vous aviez peur que je devienne. Maintenant, est-ce qu'on peut passer à autre chose ? En préparant cette émission, j'ai été en contact avec de nombreuses femmes grosses. Toutes, comme Olga, m'ont parlé de leur mère. Des rapports souvent conflictuels qu'elles entretenaient avec elles à cause de la nourriture, des régimes, du poids. Ça m'a frappée. J'en ai parlé à Solène Karoff, elle est sociologue et a réalisé une thèse sur les femmes en surpoids et obèses en Allemagne, en Angleterre et en France. Il faut se rappeler quand même que ce sont les mères qui s'occupent principalement des pratiques alimentaires des enfants et des pratiques de santé des enfants. Et du coup, les mères, en fait, retraduisent parfois leur propre insatisfaction corporelle. Et du coup, elles vont contrôler aussi, effectivement, l'alimentation de leurs filles ou essayer de les mettre au régime lorsqu'elles vont prendre un peu de poids, par exemple. Et ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut être assez dramatique puisque du coup, ça va justement conduire à un contrôle de l'alimentation de l'enfant qui, à un moment donné, soit va complètement lâcher prise et du coup, prendre beaucoup de poids un peu en contrepoint de ce contrôle permanent, soit au contraire, essayer de continuer ce contrôle et entrer dans des régimes permanents avec toutes les conséquences néfastes que ça peut avoir. Même bébé, hein, y a des mères qui peuvent être très contrôlantes sur ce que le bébé va boire, par exemple, parce qu'elles ne veulent pas qu'il grossisse trop. Mais ça, il faut vraiment comprendre que c'est un comportement qui traduit les normes sociales. Il y a une norme de minceur qui est particulièrement forte en France, beaucoup plus forte, par exemple, qu'en Allemagne, en Angleterre, où j'ai travaillé. On peut tout simplement constater en ouvrant un magazine féminin où on va voir que les mannequins proposés ou les modèles de sont des personnes qui sont extrêmement minces. C'est d'ailleurs assez peu courant de voir à la télé des femmes qui sont juste de corpulence normale. Donc il y a quand même une question qui se pose en termes de genre, là, en termes de normes esthétiques et sociales, qui différencie vraiment les hommes et les femmes sur cette question et qui a des conséquences importantes, puisque justement, notamment, ce sont les femmes qui font beaucoup plus de régime que les hommes et qui sont beaucoup plus insatisfaites sur leur rapport au corps et leur rapport à la corpulence et qui veulent beaucoup plus que les hommes maigrir. On imagine les jeunes garçons qui vont manger des pizzas et des bières, on va imaginer les jeunes filles qui vont manger des salades. Je trouve que c'est très caricatural, mais c'est très révélateur de notre société où on va trouver normal qu'une fille mange de la salade et dise « Non, non, j'ai pas faim, je vais pas manger de burger », alors qu'on va considérer qu'un homme doit manger de la viande, doit manger des aliments solides, doit manger beaucoup, doit manger gras, ou en tout cas, sans même considérer qu'il doit le faire, on va considérer que c'est moins grave s'il le fait. Alors qu'on imagine assez peu une jeune fille de 18 ans, dans un rapport de séduction, on l'imagine assez peu manger un énorme burger avec une énorme pinte de bière. Et voilà, ça ne va pas correspondre en fait à l'idéal de la féminité qui existe dans notre société, où les femmes doivent se contrôler, doivent aussi contrôler leur corporalité. Elles doivent aussi être moins bruyantes, moins expansives, prendre moins de place. Donc c'est vrai que dans l'espace public, une femme qui est très grosse, elle prend beaucoup de place, elle est très visible. Et ça, c'est quelque chose qui est assez mal vu. Un homme a beaucoup plus de place dans l'espace public de manière générale. Il a plus le droit, on l'écoute plus, il a plus le droit d'interrompre quelqu'un qui parle, plus le droit de s'exprimer, d'être bruyant, d'avoir des comportements visibles. Et du coup, un homme qui est en surpoids, il est visible, certes, mais finalement, c'est moins choquant chez lui. Rapetisse, tu parles trop, tu prends trop de place. Ferme la bouche quand tu manges, ferme la bouche quand tu parles. Ne te resserre pas. Tu es sûre que tu veux prendre ça ? Parle moins fort, tu fais ton intéressante. Tu parles trop de ta vie, tu te rends compte qu'on entend que toi ? Arrête ton cinéma, ne crie pas, moins fort, tout le monde te regarde. Rentre dans le rang, prends sur toi, consume ta propre matière, consume-toi, fonds, réduis, diminue-toi. Ce texte a été écrit par Lucie. Elle me l'a confié comme un trésor. Lucie est illustratrice de bande dessinée et depuis peu, elle dessine des corps de femmes grosses. Elle aussi a été mise au régime très tôt par des médecins aux pratiques peu bienveillantes. On me disait, alors t'aimes les glaces, t'aimes les gâteaux, t'aimes les frites. Si je disais, non, mais j'aime aussi les haricots verts, bon, se moquer de moi ou des choses comme ça. On me demandait de montrer des photos des portions que je prenais. Ils avaient des cahiers avec les... Enfin, c'est... Toutes ces choses-là, c'est vraiment une culture de la culpabilisation. En plus, j'avais ce profil de bon élève. Je voulais toujours faire donner la bonne réponse. Et du coup, c'était une situation assez insupportable pour moi parce que j'étais en tort. Et quand je revenais, j'avais pas perdu de poids par rapport à la dernière fois. Je me faisais gronder, je me faisais infantiliser. Je veux dire, même en ayant 6-8 ans, j'avais l'impression qu'on me parlait comme si j'en avais 3. Enfin, je pensais vraiment que j'étais difforme. Je me prenais beaucoup de remarques sur ma corpulence, qui était, à mes yeux de maintenant, absolument pas un problème, quoi. Juste une morphologie différente. C'est-à-dire, j'étais la petite fille qui a le corps un peu en haricot, très cambré, avec le petit bidon en avant, comme ça. Et je vois des photos de moi... dans mon juste corps de GRS, en train de faire ma petite chorégraphie, et je trouve ça adorable, quoi. Mais à l'époque, c'était horrible pour moi d'être en juste corps avec toutes les autres filles hyper minces. Enfin, le contraste entre moi et les autres personnes était insupportable à vivre. Mais parce qu'on m'avait conditionné à y faire attention. Avant cet âge-là, je réfléchissais absolument pas à ces choses-là. Et à partir du moment où on est une petite fille, on commence à se dire « Ah bah, de quoi j'ai l'air ?» On n'est plus dans l'insouciance, quoi. L'adolescence, je supporte pas mon corps. Je me souviens d'avoir eu des pensées vraiment extrêmement, extrêmement sombres sur mon corps. Je voulais couper mon ventre, je voulais couper mes cuisses, Et finalement, c'était vraiment tout était dans ma tête, quoi. Enfin, c'est ça le. Encore une fois, je revois des photos et je me dis, mais quelle jeune femme adorable. C'est une espèce de soulagement et en même temps une tristesse terrible de retomber sur toutes ces photos de moi parce que je me suis dit wow, c'est du gâchis. Je me suis rendu compte que cette jeune fille que je voyais, elle avait tout pour elle, et à part elle-même, la seule personne dont elle aura eu besoin, c'est qu'elle-même soit de son côté, en fait. Et elle aurait été invincible à ce moment-là, quoi. Je me disais que l'amour, c'est c'était pas pour moi, que la sexualité ça me concernait pas non plus, et j'avais cette vision extrêmement sombre que si quelqu'un voulait de moi, je serais un objet sur lequel on agirait et pas un acteur de cette sexualité. Et c'est moi qui commence à demander les régimes de ma propre initiative. Et ma mère qui pense bien faire et qui me laisse, enfin qui m'encourage là-dedans, qui m'achète les trucs de la pharmacie avec les lotions de plantes à boire en même temps que les régimes, qui m'emmène voir des diététiciens. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à manger en cachette et ce genre de choses en fait. Jusqu'à ce que je fasse une très grosse dépression suite à la résurgence de souvenirs traumatiques liés à mon enfance, notamment des choses d'ordre sexuel. Et à partir de là, en fait, tout ce qui s'était passé avant avec la nourriture, c'est-à-dire le fait de mettre au régime, de me culpabiliser, toutes ces petites névroses-là se sont transformées en un bon gros trouble du comportement alimentaire. J'ai fait de l'hyperphagie, du coup je me suis mise à manger pour juste survivre à ce que j'avais dans la tête en permanence, quoi. J'ai une petite dent envers la façon dont la société parle des troubles du comportement alimentaire parce que le trouble du comportement alimentaire le plus glamour à avoir, entre guillemets bien sûr, parce qu'évidemment c'est horrible d'en avoir, quel que soit celui qu'on a, c'est l'anorexie. Parce que l'anorexie c'est une forme exacerbée du contrôle que la société nous incite à avoir sur notre corps. Donc c'est, on a de l'empathie pour quelqu'un d'anorexique, c'est le pauvre, etc. La boulimie, c'est quand on mange et qu'on se fait vomir. Il y a une forme de rédemption, vous voyez, c'est-à-dire, ah, on regrette, on a quand même essayé de contrôler. L'hyperphagie, c'est le péché ultime. On mange, juste on mange en fait. On mange dans des quantités extrêmes. Moi, c'était surtout le fromage, le pain, les pâtes, ce genre de choses. J'avais des fixettes sur certains aliments, j'allais au supermarché, j'étais vraiment comme un zombie, je ne pouvais pas faire autrement. C'est vraiment psychologique, mais ça fonctionne exactement comme une addiction. On va pouvoir faire autre chose tant qu'on n'a pas fait sa crise, tant qu'on n'a pas mangé. On va anticiper, qu'est-ce que je vais manger, il va falloir que j'aille acheter ça et que je le mange, etc. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai pris un certain nombre de kilos et je suis rentrée dans l'obésité. Ça y est, j'ai été grosse. J'avais atteint le point de non-retour, le terrible destin qu'on me prédisait depuis l'enfance, la chose à éviter à tout prix. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais toujours en vie et que j'étais toujours une personne et que j'avais toujours des amis et que j'avais toujours une sexualité et que j'étais toujours intéressante. Et que peut-être le problème, c'était pas moi. Et c'est là où, en fait, j'ai commencé à aller sur Internet et à me renseigner un peu sur ce qu'était la grossophobie. T'as vu le boudin? Oh là là, le monstre. C'est sûr, faut être à quatre pour la satisfaire. Tu parles, le lit va s'effondrer. Hippopotame. Burk, c'est vraiment répugnant, ces bourrelets. Les très très maigres sont à l'abri. On les insulte rarement, on les plaint plutôt. Les pauvres. À coup sûr, ils sont malades. Mais les très gros, les trop gros, on ne les rate jamais. On ne se retient pas. On y va sans vergogne. Comme si les rondeurs et la graisse amortissaient les coups. Comme si les gros ne sentaient rien, étaient incapables d'émotion. Anne Zamberlan a écrit ces lignes en 1994. Elles sont issues du livre « Coup de gueule contre la grossophobie ». Anne Zamberlan est une des premières à employer ce mot en France. Il est aujourd'hui de plus en plus utilisé. Il désigne les stigmatisations et discriminations subies par les femmes grosses dans l'espace public, au sein de la famille, au travail, à l'hôpital. Ce sont des remarques, des regards, des insultes, des commentaires. C'est un patron de restaurant qui, lors d'un entretien, vous annonce qu'il ne peut vous embaucher parce que vous dissuaderiez les clients de reprendre un dessert. C'est un médecin qui passe à côté du bon diagnostic car il estime que tout est lié à votre poids. C'est en faisant un séjour à l'hôpital que Lucie s'est rendue compte de ce qu'était la grossophobie médicale et qu'elle a pu mettre des mots sur ce qu'elle vivait jusque-là de manière générale. Tout le monde y allait de cette petite remarque. Les assistants anesthésistes, les docteurs, les infirmiers, tout le monde avait cette façon de me traiter qui était différente. L'assistant de l'anesthésiste qui me demande mon poids et ma taille la veille de l'opération, quand je lui dis mon poids de tête, qui fait « Ah ouais !» Ah ouais, faudrait faire quelque chose quand même. Je me suis répondre « je fais un régime entre maintenant et demain 6 heures »,« vous avez peur de ne pas avoir assez de produits dans l'hôpital ?» Enfin, ça se passe comment ? Un autre problème aussi, je me suis rendu compte, beaucoup d'infirmiers ne prenaient pas la peine d'aller chercher le brassard qui correspondait à ma taille de bras, à mon tour de bras. Que le brassard faisait à peine le tour de mon bras, on me demandait de le tenir. Du coup, quand ils gonflaient le brassard pour prendre la tension, ça faisait une tension anormalement élevée. Et eux, ils se disent « Ah bah c'est normal, elle est grosse, elle a forcément une tension élevée. » Et ça fait des relevés qui sont complètement faux, en fait. J'ai eu droit, on m'a demandé si j'avais une basse contention, c'est-à-dire assumer que j'ai des problèmes circulatoires parce que j'étais grosse alors que j'en avais aucun. La nourriture d'hôpital, bon, je pense que tout le monde est au courant, c'est pas génial. D'office, en fait, on a coché la case diététique ou léger, alors que j'avais absolument rien demandé. Les personnes se sont dit, elle est grosse, on va lui mettre le régime diète, quoi, tant qu'à faire. On m'a donné des vêtements d'hôpital qui n'étaient pas à ma taille. C'est plein de micro-agressions, en fait, qui font qu'on se sent extrêmement mal, quoi. Et le fait que, par exemple, j'aille voir pour un rhume, pour une otite, et le médecin, il va rajouter le petit... Et il faudra penser à perdre du poids, en plus, et c'est le petit truc, genre, on va oublier, quoi. Alors que les gens nous regardent dans la rue, alors que notre mère nous regarde quand on se resserre, quand on rentre à la maison, alors qu'on se fait insulter par les adolescents, alors que, enfin, quand on va consulter un médecin, on s'attend à trouver de la compassion et de l'aide, pas à se retrouver blâmé. Et il y a vraiment cette idée que quand les gros sont gros, c'est de leur faute, qu'on peut rien pour eux parce qu'ils doivent se gérer eux-mêmes, alors que on vit dans une société où clairement c'est pas désirable d'être gros et que tout le monde fait tout pour ne pas l'être. Ça m'amuse pas particulièrement de devoir commander mes vêtements sur internet ou de les chercher ailleurs que dans des boutiques. Ça m'amuse pas particulièrement d'avoir peur à chaque fois que je prends rendez-vous avec un médecin, de me poser des questions sur si une chaise va se casser ou pas quand je m'assois dessus. Personne n'a envie de ça, c'est absolument pas... Donc dire que les gens le font parce qu'ils le veulent ou parce qu'ils peuvent pas se contrôler, et encore une fois, ben, le fait de pas pouvoir se contrôler, ça peut être un trouble psychique, donc c'est toujours pas de la faute de la personne, quoi. C'est cette moralité super étrange associée à l'apparence physique, parce qu'il y a plein de personnes minces qui ont un comportement autodestructeur ou quoi que ce soit, on veut pas leur faire de remarques. Une place ou deux places dans les avions pour les passagers obèses. Air France, bien qu'ayant déjà été condamnée pour avoir fait payer double tarif à un obèse, remet ça. La compagnie aérienne veut faire payer double fauteuil aux passagers obèses, quitte à leur rembourser, si l'avion n'était pas plein, la place supplémentaire. Cela choque. Et bien pourtant, je considère qu'Air France a raison. En effet, il faut distinguer dans notre vie collective ceux qui sont 100% victimes d'un handicap et ceux qui peuvent avoir une part de responsabilité. Il y a des obèses qui le sont à leur corps défendant. C'est génétique, c'est une maladie. Ils ne peuvent pas faire autrement. Et puis, il y a ceux qui payent le prix, en étant obèses, de comportements alimentaires dérégulés, d'un manque de volonté, d'un manque de violence qu'on se fait à soi-même pour que son personnage, son individu, son corps ne crée pas des problèmes à la collectivité, notamment dans les transports en commun. Comment distinguer l'obésité subie de l'obésité dont on est responsable? Ce n'est pas évident et cette polémique ne fera peut-être pas avancer cette connaissance. Mais il faut que notre société puisse regarder en face ce qui relève de l'état de victime. On a subi quelque chose et la collectivité est solidaire. Et ce qui relève de l'état de responsable. On a des difficultés, mais on en est responsable parce qu'on n'a pas su, par son manque de volonté, eh bien, échapper à cette fatalité. On a eu ce débat dans ce pays sur les fumeurs, l'aura-t-on, sur ceux qui, par dérégulation de leur régime alimentaire, sont obèses. Cet édito de Christophe Barbier, directeur de la rédaction de l'Express, a fait réagir de nombreux militants et militantes anti-grossophobie. Parmi elles, Daria Marx. Ans, banlieusarde, grosse, blonde, énervée, comme elle se définit sur son blog. Ils nous regardaient à fond, tu vois. Et il y en a une qui est sortie du groupe, qui nous a laissé marcher. Et les gens disaient, excusez-moi, je cherche une bande de grosses, vous n'avez pas vu. Elles sont pas là. Il y a un an, elle a fondé avec Eva le collectif Gras Politique pour faire changer les mentalités, lutter contre les discriminations et politiser le combat. On n'est pas là pour dire qu'être gros c'est bien ou qu'être gros c'est pas un danger, qu'il n'y a pas de comorbidités qui vont avec l'obésité. C'est pas du tout ça qu'on défend. On dit juste que tous les gros ne souffrent pas de toutes les comorbidités liées à l'obésité et que les gros doivent être embauchés, soignés, logés, considérés comme des citoyens normaux. D'abord, l'obésité, c'est un problème de pauvres en France. Quand on est une famille avec peu de moyens, la nourriture, c'est souvent le seul moyen qu'on a de faire plaisir à ses enfants, de faire plaisir à ses proches. Donc il peut y avoir ce rapport-là à la nourriture. Il y a aussi le fait que quand on a deux parents qui travaillent ou qui ont de très petits moyens, c'est beaucoup plus sympa d'acheter des plats tout prêts qui goûtent bon, même s'ils ne sont pas bons pour vous. Et donc c'est beaucoup plus simple de faire ça que d'aller au marché bio acheter, à Paris, le cours du poivron bio, il est à 4,99 le kilo, quoi. Quand tu es au RSA, tu n'achètes pas un kilo de poivron à 4,99, tu achètes 20 nuggets de poulet à 1,20 €, quoi. Eva et Daria sont féministes. Elles ont voulu que leur collectif le soit aussi. Parce que les femmes grosses sont à l'intersection de deux formes de discrimination, le sexisme et la grossophobie. Une femme grosse doit en faire plus. Elle doit obligatoirement rentrer dans des canons d'hyperféminité. Sinon, elle ne sera pas regardée. Donc, il faut qu'elle mette ses seins en avant parce qu'elle est censée avoir des gros seins puisqu'elle est grosse. Il faut qu'elle soit très féminine. On a l'image de la grosse pin-up un peu. Et elle est un peu une grosse acceptable. Une grosse, elle ne peut pas être un peu à genre, sans genre dans son expression, dans la manière de s'habiller. Si moi, aujourd'hui, je mets juste un jean et un vague t-shirt, on va me dire « Oh là là, tu pourrais faire un effort. Déjà que tu es grosse, fais un effort. » Mais en fait, non. Pourquoi ? Alors que sur une personne mince, on dirait « Oh là là, un rien l'habille, elle est délicieuse. Moi, je n'ai pas le droit de ne pas m'habiller parce qu'aux yeux de la société, je passe pour une grosse souillon. » Donc, c'est extrêmement violent. Et puis, les femmes sont soumises, et ça, maintenant, on commence à le savoir, à un diktat de la beauté, de la minceur, de l'épilation, du maquillage, de la manière d'être en société. Et chez les grosses, et bah, tout grossit. Donc, on est encore plus impacté par ce diktat. Et comme on ne rentrera pas dans les cases dans lesquelles on nous demande de rentrer, on déborde de ces cases, on court derrière une image fantasmer de la femme toute notre vie et on s'épuise à le faire, quoi. Oui, alors il y a eu une époque, c'était la brindille à la Kate Moss, quelques années avant, c'était les supermodèles avec 90, 60, 90, mais il y a toujours une injonction sur le corps de la femme. J'ai des amis qui sont hyper normés ou qui sortent un tout petit peu de la norme et pour qui c'est un calvaire absolu de vivre dans leur corps, quoi. Mais parce qu'elles ont beau tout faire pour courir après l'image de la norme, elles n'arrivent jamais à y coller à 100%. Et alors moi, je suis grosse, donc j'y colle pas à 90%, mais elles y collent pas à 1%, et ce 1%, il est dramatique, quoi. Et c'est des gens qui sont en lutte avec eux-mêmes toute leur vie, qui surveillent tout ce qu'ils bouffent, vont prendre des compléments alimentaires, des coupes fins, des diurétiques, qui vont se forcer à faire du sport même s'ils y trouvent aucun plaisir, qui vont adopter toutes les modes et qui seront toujours à la recherche d'eux-mêmes, quoi, et à la recherche de l'amour d'eux-mêmes. Et moi, je pense qu'il n'est pas dans la norme, l'amour de soi, et je les plains beaucoup. Mais ça, à mon avis, c'est à décorréler un peu de la grossophobie, parce que toutes les femmes subissent les injonctions, mais toutes les femmes ne subissent pas la grossophobie. La grossophobie, c'est une oppression particulière. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, luttez avec elle. Elle s'appelle Glitter. Elles sont une petite dizaine à militer au sein du collectif Gras Politique. Parmi elles, Amandine. Look androgyne, voix douce, elle monte de temps en temps sur scène. Vous entendez la bande-son de son dernier numéro de burlesque, dans lequel elle danse nue, devant un miroir, puis s'habille au fur et à mesure de vêtements que les émissions télé de relooking déconseillent aux femmes grosses. Le doré, le moulant, les shorts, les barésines. Une manière d'imposer une diversité des corps, de s'autoriser à exister. Parce que bien souvent, les femmes grosses sont invisibilisées, mises à l'écart, comme le raconte Lucie. Je travaillais dans un hôtel, j'étais hyper maltraitée par le staff. Ils essayaient de me parler le moins possible, et quand il y avait un problème, ils se défoulaient sur moi. Et puis j'ai une collègue mince qui est arrivée, puis d'un coup tout le monde était gentil avec elle et lui expliquait tous les trucs que moi on aurait dû m'expliquer pour pas que j'apprenne sur le tas, quoi. En gros, je tenais le bar dans un hôtel et je devais gérer les transats de la piscine attenante et apporter des consommations autour de la piscine et tout. Moi, je savais pas faire des cocktails, enfin, c'était pas mes qualifications. Ma collègue, il lui apprenait à faire des cocktails, il lui faisait les yeux doux, il passait tout le temps la voir, ça va, comment ça va et tout. Et puis, moi, il me disait, va chercher 10 kilos de serviettes à la buanderie, quoi. Je me faisais beaucoup plus engueuler et il y avait une beaucoup plus basse tolérance pour n'importe quelle erreur, quoi. Parce que j'étais pas jolie d'après leurs critères, quoi. Et je me suis rendu compte que sur la fiche du personnel, sous mon nom, ils avaient écrit Bibendum, sous le sien, ils avaient écrit La Viande. Je crois que ça résume assez bien ce qui se joue, en fait, quoi. C'est dans tous les cas, on perd, quoi. Et j'ai beaucoup eu affaire à des hommes hétérosexuels qui parlent aux filles seulement s'ils les trouvent attirantes. Et par exemple, ça m'est beaucoup arrivé d'avoir des gens qui parlent comme ça, et puis moi, je rentre dans la conversation, et puis ils font « ouais », ils tournent la tête comme ça, ou ils me parlent pas. Et il y a ce truc vraiment très étrange de pas se sentir considéré du tout. D'ailleurs, ça s'est produit même quand j'étais adolescente, et ça a contribué à mon absence totale d'activité amoureuse et sexuelle, c'est que j'étais considérée comme pas comme une fille, en fait, par les garçons. Et ils avaient aucun mal à parler des autres filles de manière dégueulasse devant moi, en fait. Qui parlaient entre eux de ce qu'ils avaient fait à qui, comment, de quelle fille était facile. Des fois, ils parlaient de mes amis, même, devant moi. J'ai vraiment eu l'envers du décor très, très tôt, parce que j'étais considérée comme désexualisée, en fait. Et du coup, moi, je me suis jamais fait draguer par des gens de mon âge. Je me suis toujours fait draguer par des vieux, dégueulasses. Et quand je me faisais draguer par des gens de mon âge, en général, c'était parce qu'ils avaient perdu un pari. Rapetisse, prends moins de place. Tout le monde te regarde, pour les mauvaises raisons. Rentre dans le rang. Et alors, peut-être ta vie pourra commencer. Et alors peut-être tu seras bien traité. Peut-être que tu seras aimé. Peut-être que tu auras accès au plaisir. Peut-être que tu seras regardé de la bonne manière. Peut-être que tu arriveras à te regarder et à te voir vraiment. Peut-être que tu pourras t'aimer. Peut-être. Olga a elle aussi expérimenté les discriminations sexistes et grossophobes. Je me suis retrouvée exclue du marché, quoi. Parce que j'étais pas jolie, parce que pas mince, plus tard parce que ronde, aujourd'hui parce que grosse. Ça a aussi attiré des prédateurs, notamment à 13 ans, mon premier copain, c'était une personne qui me disait qu'elle en avait 21, qui en avait en fait 27. En fait, elle a repéré le mouton malade dans le troupeau, quoi. Comme j'avais une recherche de validation, de tendresse, cette personne a repéré cette faiblesse chez moi et s'en est servie pour me manipuler. On est sortis ensemble quelques temps, il a beaucoup insisté pour avoir des relations sexuelles. J'ai cédé sur certaines choses, pas sur d'autres, et puis j'ai rapidement vu que ça allait pas, en fait, parce qu'il s'intéressait aussi à ma meilleure amie de l'époque qui avait juste un an de plus que moi, donc là j'ai compris que ça allait pas. Donc j'ai réussi à m'en sortir rapidement. C'est plus c'était une violence psychologique que physique, mais c'est quand même très grave. Et c'était pas le seul, après c'était des expériences plus courtes, mais globalement mes relations que j'ai eues avec les hommes plus tard, c'était beaucoup centré autour de ça, c'est qu'on me faisait une faveur en s'intéressant à moi, et du coup il fallait que je sois le paillasson, quoi. C'est comme si le fait qu'ils s'intéressent à moi, c'était déjà suffisant, ils avaient rien d'autre à faire pour maintenir notre relation à flot, et que c'était à moi de faire tout le boulot, d'être jolie, d'être séduisante, de faire la conversation, de faire le programme, de faire le ménage, enfin de tout faire en fait. Parce que bon, ils me faisaient quand même la faveur de s'intéresser à moi alors que j'étais un gros tas, quoi. Il y a eu ça, et puis plus tard, il y a aussi eu les adorateurs du gras, qui ont ce fameux discours « Ah bah ça, c'est une vraie femme avec des formes, ou je préfère les grosses fesses », ce genre de discours-là, et pour moi, c'est tout aussi violent, en fait, parce que ça me ramène toujours à ma condition de grosse, je suis que ça. Ils peuvent pas s'empêcher de faire la remarque, ils peuvent pas être juste avec nous, il faut qu'ils le disent. Ce qui pose aussi problème avec ça, c'est que souvent, ces hommes-là vont prendre des femmes... grosse comme maîtresse, mais ils vont plutôt s'afficher en public avec des minces parce que bon, ils n'ont pas envie de passer pour des pervers, parce que comment on peut aimer le gras? Je me suis coupée des relations avec les hommes pendant quasiment 4 ans parce que j'avais pas envie de faire face ni au rejet parce que j'étais grosse, ni à l'objectivation. J'avais plus la force, quoi, de dealer avec ça. se libérer, oser dire les souffrances et trouver la force, Eva et Daria organisent régulièrement des groupes de parole entre femmes grosses. Elles proposent aussi aux femmes qui les rejoignent des sorties collectives à la piscine et des cours de yoga respectueux de toutes les corpulences. Moi, en tant que femme grosse, faire du yoga, ça m'a réconciliée avec la partie de mon corps qui m'interdisait de vouloir faire du sport, en fait. Depuis que je suis toute petite, dans tous les cours de PS, dans toutes les activités sportives, j'étais la grosse qu'on choisit en dernier dans les équipes. J'étais la grosse à qui le prof de sport dit de faire deux tours de piste de plus parce que je mérite bien de perdre un peu de gras. Donc j'ai toujours été extrêmement stigmatisée, extrêmement discriminée dans toutes les activités sportives. Et là, je me rends compte que mon corps, il peut faire, en fait. Malgré tout ce qu'on a voulu me dire, mon corps, il peut faire. Et ça, c'était extrêmement satisfaisant. Et là aussi, les gens ne se rendent pas compte que dire aux gens « fais du sport », mais les traiter comme des merdes quand ils vont en faire, eh ben, ça non plus, ça aide pas à perdre du poids, quoi. Mais ça participe à la grossophobie. On nous a répété qu'on n'était pas capable, quoi. Et là, on se rend compte qu'on est capable. On sent des parties de notre corps qu'on n'avait plus senties, on se réconcilie avec les contours de notre corps, parce que parfois on l'a tellement détesté, c'est tellement un outil de violence et de douleur qu'on le met de côté. Et avec le yoga, on réappréhende les contours de notre corps et on réapprend, si ce n'est à l'aimer, parce qu'on n'est pas obligé d'aimer son corps, c'est un long travail, mais au moins à l'habiter, quoi. Ça me blesse gravement quand j'entends une grosse me dire « je m'autorise pas à ». Et ça, moi, c'est plus jamais. Moi, je m'autorise tout. Tout ce que j'ai envie de le faire, je le fais. Tout ce que j'ai envie de mettre comme fringues, je vais les mettre. Tout ce que j'ai envie de dire, je vais le dire. Voilà. Je veux plus jamais qu'on m'interdise quelque chose ou m'interdire quelque chose sous prétexte de mon apparence physique. C'est fini. L'été, je mets des mini-shorts, je monte mes bras, j'en ai rien à faire. Et j'aimerais tellement donner un peu de ça, en fait, aux femmes grosses qui osent pas. Parce qu'une fois qu'on a un peu de ça et qu'on arrive à le faire grandir, c'est une vraie force. Ça soigne pas le monde, c'est pas ça qui fera cesser la grossophobie, mais ça permet quand même de profiter de la vie beaucoup mieux. Comme Daria, Olga et Lucie ont décidé de ne plus rien s'interdire. Un processus long, mais libérateur. Chacune à leur manière, elles militent pour déconstruire les mécanismes qui mènent à la grossophobie et accompagnent les femmes vers une réappropriation de leur corps. Olga a créé le blog The Utoptimist et poste régulièrement des photos d'elle sur son compte Instagram. J'ai fait une photo face à ma fenêtre, assise, face à la caméra, juste en culotte. Je suis tout bourrelet, toute cellulite, tout poil, toute vergeture dehors. Donc on voit mon gras des fesses, il y a même un bouton, mes bourrelets, c'est, voilà, c'est, je suis là, je ne m'excuse pas d'être là. Lucie crée des bandes dessinées et vient de terminer un jeu vidéo qui invite à expérimenter la grossophobie quotidienne. Bon, j'ai découvert qu'être une femme non conforme, c'était ce que j'avais vécu. J'ai découvert les mécanismes derrière le fait que je l'avais aussi mal vécu, d'être non conforme. Et après, par extension, je me suis rendu compte que quand on essayait d'être conforme ou quand on l'était, c'était pas mieux non plus. J'ai remis ma souffrance spécifique dans un contexte plus large de comment la société traite les femmes, traite les corps. Donc, qu'il y avait des choses à faire, des choses à pas laisser passer et des choses à remettre en question. arteradio.com. C'était un podcast à soi par Charlotte Bien-Aimée, en partenariat avec le mensuel Cosette. On se retrouve le premier mercredi du mois de janvier pour un épisode consacré aux parentalités féministes. Chez Orange, on sait que Manon est très très sollicitée par des tonnes de mails. Mais heureusement, avec son iPhone 16 conçu pour Apple Intelligence, ses mails prioritaires apparaissent directement en haut de sa boîte mail. Parfait pour être encore plus efficace. Et en ce moment, chez Orange, elle peut faire 100 € d'économie minimum. Ah, dis donc, c'est malin ça. Orange est là. Valable jusqu'au 16 juillet, 50 euros de remise immédiate et 50 euros de bonus pour la reprise d'un mobile de 10 euros minimum après diagnostic. Conditions détaillées sur orange.fr. Je m'appelle Cadence Sinclair. Certains nous surnomment la famille royale américaine. Nous les menteurs. Nouvelle série sur Prime Video. Nous étions heureux. Nous ne manquions de rien. Inspiré du best-seller. Il m'est arrivé quelque chose d'horrible l'été dernier. Et je ne me souviens pas de ce qui ou de qui m'a fait du mal. Ma famille ne veut me le dire. Quand tu es laissée pour morte, tu veux des réponses. Nous les menteurs. Nouvelle série. Regardez maintenant. Seulement sur Prime Video. Qu'est-ce que la grossophobie ? Merci d'avoir posé la question. L'obésité est une source de stigmatisation. Alors qu'elles sont 16% de la population française, les personnes obèses sont encore majoritairement absentes de l'espace public. Elles se retrouvent souvent cibles de moqueries et de discriminations. Humiliées et invisibilisées, les personnes en surpoids font face au cours de leur vie à de fréquentes critiques vis-à-vis de leur mode de vie et de leur physique. C'est ce qu'on appelle la grossophobie, une forme de discrimination pouvant mettre à mal l'estime de soi d'un individu. Mes amis, eux, ils me conseillaient de maigrir, de soigner mes boutons, on me donnait des conseils qui étaient impraticables. Très souvent perçue comme la grande oubliée des luttes contre les discriminations, la grossophobie n'en reste pas moins une réelle violence subie au quotidien. Elle s'exprime de différentes façons, en présupposant que les personnes obèses font de mauvais choix de vie, en hiérarchisant les gens selon leur poids, en prétendant qu'elles sont responsables de leur état. Quelle horreur! Les victimes de grossophobie finissent par croire qu'elles n'ont pas de valeur parce que c'est le message qu'on leur renvoie partout et en permanence. Conséquence, elles se dévalorisent et cela affecte leur qualité de vie, leur estime d'elles et leur confiance. Elles peuvent même être tentées de s'isoler ou d'adopter des comportements néfastes pour leur santé. Mais pourquoi elles sont rejetées à ce point ? La société occidentale moderne nous fait croire que la beauté d'un individu réside exclusivement dans sa minceur. L'obésité devient alors le diable regardé avec horreur. Pour Catherine Grangeard, psychanalyste spécialisée dans l'accompagnement des personnes en surpoids, la grossophobie est une manière de penser que tout le monde a intégrée. Elle constate « Nous sommes toutes et tous grossophobes à l'égard de la prise de poids, pas seulement face aux personnes en surpoids. On a intégré, par exemple, le fait qu'il ne fallait pas qu'on prenne 3 ou 4 kilos en trop avant l'été. » Tu peux me mettre un petit peu de crème, s'il te plaît ? Et même les algorithmes sont désormais programmés avec ce conditionnement. Récemment, le magazine Télérama a fait l'objet d'une grave censure sur les réseaux sociaux en publiant la photo de couverture qui annonce un dossier spécial grossophobie, justement. En couverture, Leslie Butch, une activiste et DJ parisienne connue pour son engagement contre la grossophobie. Sur la photo de la DJ, pas un téton à l'horizon, ni même de poils pubiens ou un semblant d'organe génital. C'est la morphologie de la personne qui avait l'air de poser problème. Je pense qu'à défaut d'être de plus en plus confortable avec la diversité corporelle, je pense que la société est de plus en plus obligée d'admettre que ça existe. De son côté, la chanteuse américaine Lizzo a également fait savoir que le réseau social TikTok censurait certaines des séquences où elle apparaît en maillot de bain. Elle dénonce, non sans sarcasme, la plateforme continue d'effacer les vidéos de moi en bikini, mais autorise celles d'autres filles. Je me demande bien pourquoi, sous-entendant que l'application aurait supprimé ses contenus à cause de son poids. Ça fait tellement du bien de voir une femme comme moi. Mais pour qui roulent les réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux peuvent aussi devenir des outils déterminants de lutte contre la grossophobie. Des communautés se créent et jettent les bases d'une véritable politisation de la question de l'acceptation du corps comme il est. Le mouvement du Fat Acceptance, directement inspiré du mouvement Body Positive, né à la fin des années 90 aux États-Unis, encourage les personnes grosses à s'accepter comme elles sont. Hélas, sa charge subversive est rattrapée par le business et les marques. On plébiscite le corps gros, mais il doit être sexy et photogénique. Alors, attention au fatwashing et à l'opportunité que trouvent les marques à tirer profit de chaque discrimination dès lors qu'elle devient politique en mobilisant des communautés et donc de potentielles cibles consommatrices. Voilà ce qu'est la grossophobie. Maintenant, vous savez, en moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir ? Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant, vous savez. Épisode 118, les Français sont-ils grossophobes ? Salut à toutes et à tous, c'est Hugo et je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme. Avant de commencer l'épisode, j'ai une petite annonce à faire. Cette semaine, on rouvre les inscriptions pour notre cours avancé, Raconte ton histoire. Si vous me comprenez facilement, mais que vous avez plus de mal à comprendre les épisodes qui sont en duo avec Ingrid, alors ce cours est fait pour vous. Vous allez améliorer rapidement votre compréhension orale en vous entraînant avec des conversations authentiques, des conversations que j'ai enregistrées avec 4 de mes amis et que j'analyse avec vous. Vous découvrirez les différences de prononciation entre le français formel et informel et plein d'expressions quotidiennes très utiles. J'ai aussi inclus des leçons de grammaire sur les temps du passé, le conditionnel et les hypothèses pour vous aider à construire des phrases plus élégantes. Bref, si ce cours vous intéresse, rendez-vous sur innerfrench.com à partir de mercredi pour retrouver toutes les informations et vous inscrire. Voilà, maintenant on peut attaquer notre sujet du jour, la grossophobie. Si vous ne connaissez pas encore ce mot, on va essayer d'en deviner le sens. Vous entendez qu'il est composé de deux parties, grosso et phobie. Grosso, ça ressemble à l'adjectif gros, et phobie, ça veut dire peur, une peur. Donc la grossophobie, c'est littéralement la peur des gros. Mais en réalité, c'est plus qu'une peur, c'est une forme de discrimination. Discrimination envers les personnes jugées grosses. Le mot grossophobie est arrivé en France dans les années 90 via les associations militantes, les associations de défense des personnes grosses, mais il est entré dans le dictionnaire seulement en 2019, donc 30 ans plus tard. Ça commence à vous donner une idée du problème. Ah oui, une petite précision concernant l'adjectif gros, il faut faire attention parce qu'il a une connotation négative. On considère que c'est mal poli de dire qu'une personne est grosse. Si c'est une femme, on dit plutôt qu'elle est ronde, et si c'est un homme, on utilise les adjectifs fort ou costaud. C'est une manière de donner un sens plus positif à la corpulence en l'associant à la force physique. Mais moi, j'ai décidé d'utiliser l'adjectif gros parce que, depuis quelques années, les personnes victimes de grossophobie essayent de lui donner un sens neutre. Quand on dit que quelqu'un est grand ou petit, ça n'a pas de connotation négative, c'est une simple description. Eh bien, ça devrait être la même chose avec gros. Et c'est pour ça qu'on le place après le nom. On dit une personne grosse et pas une grosse personne, parce que c'est le sens propre de l'adjectif, pas le sens figuré. C'est comme quand on dit une femme grande, on fait référence à sa taille, alors qu'une grande femme, c'est une femme qui a fait de grandes choses, une femme qui a un certain prestige. Moi, dans cet épisode, je vais utiliser l'adjectif gros de manière neutre, sans aucune connotation négative. Mais quand vous discutez avec des francophones, je vous conseille plutôt de dire ronde, forte ou corpulente pour ne pas prendre de risques. Bref, pourquoi j'ai décidé de vous parler de grossophobie aujourd'hui ? Eh bien parce que quand je préparais mon épisode sur les Français et la nourriture, j'en ai discuté avec ma copine et elle m'a dit que les Français avaient la réputation d'être grossophobes. Donc j'ai fait quelques recherches sur internet et j'ai vu qu'effectivement, elle n'était pas la seule à penser ça. Pour être honnête, ça m'a pas vraiment surpris. Si vous avez écouté l'épisode sur la nourriture, vous savez qu'il y a un vrai culte de la minceur en France. Notre idéal de beauté féminin, c'est une femme mince, très mince, plus que dans les autres pays européens, par exemple. Et c'est un idéal qu'on exporte dans le monde entier avec l'archétype de la Parisienne. Oui, vous savez, la Parisienne, cette femme mince et élégante qui n'existe qu'au cinéma et dans les magazines de mode. Cette Parisienne qui peut manger des croissants sans grossir et boire du vin tous les jours sans devenir alcoolique. Mais la réalité, c'est que 17% des Français sont obèses et 30% sont en surpoids. Donc, si on les additionne, ça représente presque la moitié de la population. L'obésité et le surpoids, ce sont deux catégories définies en fonction de l'IMC, l'indice de masse corporelle. Si votre IMC est entre 25 et 30, vous êtes médicalement considéré en surpoids. Et s'il dépasse 30, vous êtes considéré obèse. Mais le surpoids n'a pas les mêmes implications pour la santé que l'obésité. Par exemple, il y a beaucoup de sportifs qui sont considérés en surpoids simplement parce qu'ils sont très musclés. C'est important de le préciser parce que les médias français ont tendance à mélanger l'obésité et le surpoids en disant que la moitié de la population française est obèse, mais ça n'est pas vrai. Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'une grande partie des Français et des Françaises ont un physique qui ne correspond pas aux canons de beauté nationaux, à notre idéal de beauté. Et plus elles en sont éloignées, plus elles ont de chances d'être victimes de grossophobie. Je dis « elles » plutôt qu'ils, parce que vous allez voir que la grossophobie touche principalement les femmes. Moi, je ne suis pas une femme et je suis normopondéré, autrement dit, j'ai un IMC considéré comme normal, donc évidemment, j'ai jamais été victime de grossophobie. Alors, pour mieux comprendre le problème, j'ai lu deux livres, un d'une sociologue prof à la Sorbonne et un autre écrit par une femme qui a souffert toute sa vie de grossophobie. En lisant ces livres, j'ai découvert trois choses qui m'ont profondément surpris. La première, c'est que la grossophobie existe depuis très longtemps. Je croyais qu'elle était apparue avec l'augmentation du taux d'obésité dans les pays riches, mais non. Elle est profondément ancrée dans notre histoire. Ça explique pourquoi elle est encore socialement acceptée aujourd'hui, contrairement à d'autres formes de discrimination comme la xénophobie. Ensuite, j'ai appris que moi aussi, sans le savoir, j'avais des croyances grossophobes, en particulier sur ma façon de voir l'obésité. Et la troisième chose que j'ai découverte, c'est que la grossophobie va bien plus loin que les blagues et les insultes. En France aujourd'hui, les personnes grosses sont discriminées dans quasiment toutes les sphères de leur vie, à l'école, au travail, dans les médias et même parfois dans leur famille. Bref, c'est un épisode qui m'a appris énormément de choses, aussi bien sur la société française que sur moi-même, donc j'espère que vous le trouverez utile vous aussi. À votre avis, depuis quand la grossophobie existe-t-elle? Est-ce que les personnes grosses ont toujours été discriminées ou est-ce que c'est un phénomène récent? J'ai trouvé la réponse dans le livre « Grossophobie » de Solène Karoff, cette sociologue prof à la Sorbonne. Dans le premier chapitre, elle explique comment les perceptions sociales du corps ont évolué au cours de l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'à certaines époques, on appréciait les fortes corpulences. Par exemple, au Moyen-Âge, être gros était le signe qu'on était en bonne santé, surtout pour les hommes. Ça montrait aussi notre statut social. Oui, parce que la nourriture était chère à cette époque, donc tout le monde n'avait pas les moyens d'être gros. Être gros, ça prouvait que vous aviez assez d'argent pour bien manger. En plus, ça permettait de mieux résister aux famines. Et puis déjà à cette époque, on associait la corpulence des hommes à la force, enfin, tant qu'ils étaient capables de monter à cheval et de se battre. Au contraire, la minceur, ou plutôt la maigreur, si on veut insister sur la connotation négative, la maigreur était associée à la laideur et à la mauvaise santé. Donc, au Moyen-Âge, il valait mieux être un peu trop gros qu'un peu trop maigre. Ensuite, quelques siècles plus tard, à la Renaissance, il suffit de regarder les tableaux de Rubens ou du Titien pour voir que les femmes rondes avaient la cote, elles étaient populaires. Mais est-ce qu'elle représentait vraiment l'idéal de beauté de cette époque? En fait, la réalité est un peu plus complexe. Même au Moyen-Âge, dans les milieux riches, on préférait les femmes minces aux femmes rondes. Oui, parce que la minceur était perçue comme une forme de tendresse et de fragilité, des caractéristiques associées à la féminité. À la Renaissance aussi, même si certains artistes peignaient des femmes rondes, ça ne reflétait pas forcément les canons de beauté de l'époque. C'était plutôt une forme d'érotisation du corps des femmes. En réalité, il y a toujours eu des personnes qui critiquaient le fait d'être gros. Par exemple, Vous connaissez peut-être Hippocrate, le fondateur de la médecine dans l'Antiquité grecque. Hippocrate pensait déjà que l'excès de poids était dangereux pour la santé. Il a donc inventé la diététique. La diététique d'Hippocrate, c'était un mode de vie fondé sur la mesure, qu'il opposait à la démesure. Il disait qu'il fallait éviter toute forme d'excès, notamment les excès de nourriture. Donc vous voyez, déjà pendant l'Antiquité, on conseillait aux personnes grosses de perdre du poids. Mais ce n'était pas seulement une affaire de santé ou d'esthétique. Avec la religion chrétienne, on a commencé à donner une dimension morale au fait d'être gros. Et oui, n'oublions pas que la gloutonnerie est le 7e péché capital. La gloutonnerie ou la gourmandise, c'est plus ou moins la même chose. Le glouton, c'est celui qui mange la part des autres, celui qui prive les autres de nourriture pour satisfaire son appétit. Il a un côté monstrueux qu'on retrouve dans la figure de l'ogre, ce personnage de conte qui mange les enfants. Donc, dès le Moyen-Âge, être gros est devenu immoral. Plus tard, au XIXe siècle, cette moralisation de la corpulence a été renforcée par la révolution industrielle. Alors là, vous allez me dire, quel rapport entre la révolution industrielle et la grossophobie ? Eh bien, grâce à la révolution industrielle, les gens ont commencé à pouvoir se nourrir plus facilement. La nourriture est devenue plus accessible. Donc, pour la première fois, le peuple a eu les moyens d'être gros. Pas tout le monde, évidemment, mais on a commencé à voir des personnes grosses parmi les pauvres. Et pas seulement des hommes, mais aussi des femmes. Du coup, pour se différencier, la bourgeoisie s'est mise à faire l'apologie de la minceur. Pour les bourgeois, la minceur est devenue synonyme de valeurs positives, comme le contrôle de soi, le dynamisme et l'intelligence. Et forcément, les personnes grosses ont commencé à être considérées comme paresseuses, improductives et bêtes. Bref, des personnes inadaptées aux changements rapides dictés par la révolution industrielle. Pour les femmes, c'était encore pire. La bourgeoisie a imposé l'idée que la grosseur était un signe de vulgarité, que les femmes grosses étaient vulgaires et débauchées. D'ailleurs, cette idée est encore présente dans notre langue aujourd'hui. En français, un gros mot, c'est un mot vulgaire. On dit aussi une grossièreté. Et on a l'adjectif grossier pour dire vulgaire. Bref, vous comprenez maintenant comment la révolution industrielle a renforcé cette association entre grosseur et immoralité. Mais c'est pas tout. En plus d'être immoral, être gros est aussi devenu une maladie. Oui, parce qu'avec la médecine moderne, on s'est mis à tout mesurer, notamment la corpulence des individus. Par exemple, en 1832, un statisticien belge, Adolphe Quetelet, a créé un indicateur qui permettait de mesurer l'obésité, l'indice Quetelet. Cet indice a ensuite été adopté par les médecins et il a été renommé indice de masse corporelle, ou IMC pour faire plus court. Avec l'adoption de l'IMC, on a pu mesurer la corpulence des individus de manière précise et définir des seuils, des niveaux d'obésité. L'obésité a commencé à être considérée comme une maladie. Progressivement, les gens ont internalisé ces nouvelles normes. C'est aussi devenu plus facile de mesurer sa corpulence soi-même grâce à l'arrivée des balances dans les maisons. Avec une balance, plus besoin d'aller chez le médecin pour connaître son poids. On peut le contrôler tous les jours pour voir si on a pris ou perdu des kilos. On a vu comment la bourgeoisie de la révolution industrielle a donné une dimension morale à la corpulence et comment la médecine moderne en a fait une maladie. Maintenant, il manque un dernier élément au tableau, la mode, bien sûr. Le XXe siècle, c'est l'arrivée du prêt-à-porter, autrement dit des vêtements qui ne sont pas faits sur mesure, qui ne sont pas faits individuellement pour chaque client, mais qui ont des tailles standards. Autrement dit, ce ne sont plus les vêtements qui s'adaptent au corps des clients, mais les corps des clients qui doivent s'adapter aux vêtements. Donc, pour que le système fonctionne, il faut que les corps rentrent dans le moule, qu'ils s'uniformisent. Cette uniformisation a poussé les corps à être de plus en plus minces. Non seulement minces, mais aussi jeunes. Oui, parce qu'à partir des mouvements étudiants dans les années 60, notamment en France, les événements de mai 68, les critères esthétiques ont changé. L'idéal féminin n'était plus le corps des femmes, des mères, mais celui des jeunes filles. Dans les défilés de mode, les magazines féminins, etc., les femmes ont progressivement été remplacées par des jeunes filles au corps très mince. En parallèle, les magazines féminins ont commencé à publier des régimes pour aider, entre guillemets, les femmes à atteindre cet idéal. Perdre du poids et rester jeune sont devenus les deux impératifs pour toutes les Françaises. Voilà comment la tyrannie de la minceur s'est progressivement imposée en France. Être mince est devenu un impératif à la fois moral, médical et esthétique. Évidemment, cette obsession pour la minceur a renforcé la grossophobie. En étudiant l'histoire, on comprend mieux comment la grossophobie s'est progressivement imposée dans les sociétés modernes. Aujourd'hui, ces croyances sont si profondément ancrées dans l'imaginaire collectif qu'on ne les remet plus en question. Une de ces croyances, la plus partagée, c'est que l'obésité et le surpoids sont liés à un manque de volonté. Autrement dit, si vous êtes obèse ou en surpoids, c'est parce que vous n'arrivez pas à vous contrôler, parce que vous mangez trop et que vous ne faites pas de sport. En France, la Ligue contre l'obésité a fait un sondage en 2020 pour connaître l'opinion des Français sur la question, et 67%, les deux tiers des sondés, ont répondu que perdre du poids est d'abord une question de volonté. Moi aussi, je croyais ça jusqu'à ce que je lise « On ne naît pas grosse » de Gabrielle Dédier. Dans son livre, Gabrielle Dédier raconte son histoire. Elle raconte comment elle est devenue obèse et les conséquences que cela a eues sur sa vie. Quand elle était enfant, elle était un peu forte parce qu'elle était très sportive. Mais à l'adolescence, son père et sa mère ont commencé à lui dire qu'il fallait qu'elle perde du poids. Son père était assez mince et sa mère avait des tendances anorexiques, donc ils trouvaient Gabrielle grosse. Ils se sont mis à lui faire des remarques sur son poids à chaque repas. À 16 ans, après sa première année de lycée, ses parents ont décidé de l'envoyer voir un médecin. Ce médecin lui a prescrit un régime draconien, un régime drastique, accompagné d'un traitement hormonal. Mais ça n'a pas du tout fonctionné. Au contraire, Gabrielle a commencé à développer des troubles alimentaires. Elle allait manger en cachette le soir quand ses parents dormaient. Et elle mangeait des quantités énormes de nourriture, même quand elle n'avait plus faim. Son poids a doublé en un an. Et à cause du traitement hormonal, elle a commencé à avoir des boutons partout. Forcément, elle est devenue la risée de son lycée. Tous ses camarades se moquaient d'elle. Elle a perdu toute confiance en elle et elle s'est progressivement isolée des autres. Par la suite, elle a changé de médecin, elle est allée voir d'autres spécialistes, mais tous les régimes qu'ils lui ont prescrits ont échoué. Elle n'a jamais réussi à perdre les kilos qu'elle avait pris cette année-là et elle est tombée dans la spirale de l'obésité. Le cas de Gabrielle n'est pas un cas isolé. Comme je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui, quasiment la moitié des Français sont en surpoids ou obèses. On ne peut pas l'expliquer simplement par un manque de volonté généralisé. Quand un phénomène se produit à une telle échelle, il y a forcément des facteurs structurels derrière. Ces facteurs, vous les connaissez, on les retrouve dans la plupart des pays occidentaux, la malbouffe et la sédentarité. La malbouffe, ça vient du verbe « bouffer », qui est une façon familière de dire « manger ». Par exemple, « j'ai bouffé avec des potes hier », ça veut dire « j'ai mangé avec des amis hier ». La bouffe, c'est donc la nourriture, et la malbouffe, c'est la nourriture de mauvaise qualité. Le fast-food, les aliments industriels, etc. Aujourd'hui, la nourriture est plus abondante que jamais dans les pays riches, mais beaucoup de ces aliments ont une valeur nutritionnelle très pauvre. Ils contiennent beaucoup de gras et de sucre, mais peu de nutriments. Ça a forcément un impact sur notre poids. Le second facteur structurel, la sédentarité, c'est le fait de peu se déplacer, de rester tout le temps au même endroit. Aujourd'hui, quand on parle de mode de vie sédentaire, on fait surtout référence au manque d'activité physique. De moins en moins de personnes ont un travail physique, Pour beaucoup d'entre nous, travailler signifie passer 8 heures par jour assis à un bureau. Donc, on doit se forcer à inclure des activités physiques en dehors du travail. Mais ce n'est pas facile pour tout le monde. En plus de ces deux facteurs structurels bien connus, les recherches scientifiques tendent de plus en plus à montrer que l'obésité a aussi des causes biologiques et sociales. Par exemple, des études ont découvert que certains gènes nous prédisposent à l'obésité. Autrement dit, que l'obésité peut avoir des causes génétiques. Ces gènes agissent soit sur notre métabolisme, soit sur notre comportement. Ça explique pourquoi deux personnes qui ont exactement le même régime alimentaire et le même style de vie peuvent avoir des corpulences totalement différentes. On en est tous plus ou moins conscients. On a tous des amis qui font des régimes draconiens, mais qui n'arrivent pas à perdre de poids, alors que d'autres peuvent manger tout ce qu'ils veulent sans prendre un gramme. À la salle de sport, il y a des gens qui arrivent à devenir musclés en quelques semaines, et d'autres dont les progrès sont beaucoup plus lents, alors qu'ils suivent exactement le même programme. On a beau être conscient de ces différences, on finit toujours par se dire que tout est une question de volonté. Moi, par exemple, j'ai toujours été maigre. Ça peut sembler être une bénédiction, mais quand j'étais adolescent, j'étais très complexé par ça. Je mangeais autant que mes amis et je faisais du sport plusieurs fois par semaine, mais j'étais toujours le plus maigre. Même quand je me forçais à manger plus, ça ne changeait rien. Évidemment, aujourd'hui, je suis content d'avoir ce métabolisme et de pouvoir manger tout ce que je veux sans grossir, mais ça m'a pris des années de comprendre que c'était aussi une question de gènes. Bizarrement, même en sachant ça, j'ai continué à me dire que les personnes obèses étaient responsables de leur poids, qu'elles n'avaient qu'à moins manger et faire du sport pour perdre leurs kilos en trop. J'ai l'impression que la société est plus tolérante avec les personnes maigres qu'avec les personnes grosses, ou c'est juste que j'étais plus indulgent avec moi-même, je ne sais pas. Dans tous les cas, en lisant le témoignage de Gabrielle Dédrier, j'ai appris que l'obésité a des causes multiples. Elle peut même être provoquée par un dérèglement hormonal, comme ça a été le cas pour elle. Attention, je ne suis pas en train de dire que les gènes et les hormones conditionnent tout et que l'alimentation et l'activité physique n'ont aucune importance. Évidemment, manger de manière équilibrée et faire du sport, ça reste la base pour être en bonne santé. Ce que j'essaye simplement de souligner ici, c'est qu'il existe plein d'autres facteurs qui influencent notre corpulence et sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. En plus des facteurs biologiques qu'on vient de mentionner, il existe aussi des facteurs sociaux, des facteurs liés au milieu, à l'environnement social. Aujourd'hui, les chercheurs disent même que l'obésité est une maladie sociale. Ça fait quelques dizaines d'années qu'on le sait aux États-Unis, mais en France, on l'a découvert plus récemment. Vous avez plus de risques d'être obèse ou en surpoids en étant pauvre qu'en étant riche. Les sociologues français ont montré que chez nous, ce risque est multiplié par 4. Le taux d'obésité est 4 fois plus élevé parmi les familles françaises les plus pauvres que parmi les plus riches. Quand on observe les jeunes ayant entre 8 et 17 ans qui sont en surpoids, les 3/4 sont issus des catégories socioprofessionnelles défavorisées ou inactives, autrement dit, dont les parents n'ont pas de travail. Ces inégalités se voient aussi au niveau géographique. Si, quand vous allez en France, vous visitez seulement les grandes villes, vous avez peut-être l'impression que l'obésité n'existe pas chez nous. Oui, parce que dans les grandes villes, il y a peu de familles pauvres. Les familles pauvres vivent généralement dans les petites villes ou à la campagne. C'est pour ça que quand on regarde une carte de l'obésité en France, on voit que les régions les plus touchées sont les régions les plus pauvres économiquement, principalement le Nord et l'Est. Par exemple, le taux d'obésité est de 22% dans le Nord contre 17% au niveau national. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir pourquoi la pauvreté favorise l'obésité. Si l'obésité était seulement une question de facteurs biologiques, il n'y aurait pas de telle différence entre les familles défavorisées et les familles aisées. Le taux d'obésité serait le même. Alors, il y a ceux qui pensent que les pauvres sont paresseux par nature, ce qui expliquerait pourquoi ils sont également obèses. Mais si vous écoutez ce podcast, j'imagine que vous n'adhérez pas à ce genre d'explication. Ce que que montrent les sociologues, c'est que ces familles sont moins éduquées, donc elles ne sont pas toujours au courant des recommandations en matière de nutrition. Et même quand elles le sont, elles n'ont pas les moyens d'acheter les aliments qui sont recommandés. Quand on n'est pas sûr d'avoir assez d'argent pour nourrir sa famille, on préfère acheter des kilos de pâtes plutôt que des légumes bio. Et pour le reste, tout est plus difficile aussi. Comme ces familles vivent dans des petites villes, elles n'ont pas toujours d'équipement sportif à proximité et elles ont moins accès aux soins médicaux. Tous ces facteurs se cumulent et expliquent pourquoi le taux d'obésité est plus élevé dans les milieux défavorisés. Le pire, c'est que les pouvoirs publics semblent totalement ignorer ce problème. Je me souviens, quand j'habitais encore en France, il y a eu une grande campagne nationale pour lutter contre l'obésité, et le slogan, c'était « Pour être en bonne santé, manger 5 fruits et légumes par jour ». Comme si cette solution était accessible à tous. Mais imaginez le sentiment de culpabilité des parents qui n'avaient pas les moyens d'acheter 5 fruits et légumes par jour pour leurs enfants et qui entendaient ce message en boucle à la radio ou la télévision. Avec ce genre de discours moralisateur, toute la responsabilité est mise sur les individus en ignorant totalement les causes biologiques et sociales de l'obésité. Aujourd'hui, grâce à la recherche scientifique, on sait que l'obésité est une maladie multifactorielle. Les chercheurs ont identifié plus de 110 facteurs qui contribuent à l'obésité. Mais malgré ces découvertes, les gens continuent de croire qu'être gros est un choix de vie. Et cette croyance légitime la grossophobie. D'ailleurs, un Français sur 5 pense que la grossophobie peut être positive parce qu'elle encouragerait les personnes obèses à perdre du poids. Autrement dit, faire des remarques ou des blagues à des personnes grosses pourrait les aider à maigrir. 20% des Français pensent ça, selon un sondage de 2020 réalisé par la Ligue contre l'obésité. Je ne sais pas si c'est pareil dans d'autres pays, je me dis que c'est peut-être quelque chose de typiquement français, se moquer de quelqu'un pour l'aider. C'est exactement ce qu'a vécu Gabriel Dédier dans sa famille. Ses parents lui disaient par exemple « Tu devrais faire plus de sport, tu manges mal, tu n'y mets pas du tien. » Ah oui, ça c'est une bonne expression, « y mettre du sien ». Ça veut dire faire des efforts pour réussir un projet. Des efforts qui sont parfois des sacrifices. On dit aussi « donner de sa personne ». Quand les parents de Gabriel lui disaient qu'elle n'y mettait pas du sien, c'était une manière de lui faire comprendre qu'elle ne faisait pas assez d'efforts pour perdre du poids et que c'était entièrement de sa faute si elle était obèse. Ça, malheureusement, c'est un schéma classique des parents qui créent des troubles de l'alimentation chez leurs enfants, souvent parce qu'ils ont eux-mêmes une relation compliquée avec la nourriture. Je vais citer un autre sociologue français, Thibaut de Saint-Paul. Les parents responsabilisent les enfants dans leur rapport au corps et s'ils échouent, ils sont culpabilisés. Moi, c'est quelque chose que j'ai pu observer aussi dans ma famille. Je me souviens que quand mon petit frère avait environ 12 ans, il a commencé à prendre un peu de poids, à être un peu rond. Vraiment rien d'alarmant, rien de grave, mais comme dans ma famille, on est plutôt mince, on l'a remarqué. Et mon père a commencé à lui dire qu'il devrait arrêter de manger du Nutella s'il ne voulait pas devenir obèse. Alors à l'époque, ça ne m'avait pas choqué, mais récemment, mon frère m'a rappelé cette histoire et je me suis rendu compte que ça l'avait marqué, qu'il y pensait encore de temps en temps. Alors oui, c'est bien de mettre en garde ses enfants contre les dangers du Nutella, mais peut-être que le vrai problème, c'était qu'il y avait du Nutella à la maison. C'était pas mon frère à 12 ans qui allait s'acheter des pots de Nutella tout seul au supermarché. Et peut-être aussi qu'il n'a pas exactement le même métabolisme que mon père ou moi. Il arrive souvent que des frères et sœurs aient un métabolisme différent. Bref, c'est seulement une anecdote, mais les enquêtes sociologiques montrent que c'est un phénomène très fréquent. Une autre conclusion importante de ces enquêtes, c'est que les femmes sont plus souvent victimes de grossophobie que les hommes. Dans l'épisode sur les Français et la nourriture, je vous avais dit que la France est un des pays où il y a l'écart le plus important entre les idéaux de beauté féminin et masculin en termes de corpulence. On aime les femmes très minces et les hommes costauds, les hommes un peu gros. Donc, forcément, les hommes gros ont moins de problèmes que les femmes grosses. Il y a une pression mise sur les femmes tout au long de leur vie pour qu'elles restent minces. Ça commence très jeune, dès l'adolescence. Dans une enquête publiée il y a quelques années, la moitié des filles de 15 ans disaient qu'elles avaient besoin de faire un régime, alors qu'à cet âge, seule une fille sur 10 est en surpoids. Autrement dit, d'un point de vue médical, elles n'ont pas du tout besoin de perdre du poids, mais elles veulent quand même faire un régime. Bien sûr, ce n'est pas seulement la faute des parents, c'est aussi celle des réseaux sociaux qui ont beaucoup contribué à donner aux jeunes filles une image négative de leur corps. Cette pression continue à s'exercer, même à la maternité. Une fois qu'une Française a accouché, qu'elle a donné naissance, on s'attend à ce qu'elle retrouve son poids d'origine rapidement. Dans d'autres pays, on comprend que les mères ne retrouvent pas le poids qu'elles faisaient avant de tomber enceinte, mais en France, non. L'exigence de minceur reste la même, même après avoir eu des enfants. Et ça se voit très clairement dans le monde du travail. Plusieurs études ont montré qu'en France, pour les femmes, il existe un lien statistique entre IMC et salaire. Plus une femme a un IMC bas, plus elle a un bon salaire. Autrement dit, plus une femme est mince, mieux elle gagne sa vie. Le sociologue Thibaut de Saint-Paul a une bonne formule pour décrire ce phénomène. Il dit qu'en France, pour les femmes, la minceur est un diplôme supplémentaire, un diplôme en plus. Et pour celles qui n'ont pas ce diplôme, celles dont la corpulence ne correspond pas à cet idéal de beauté, tout est plus compliqué. Trouver un travail, avoir un salaire correct et même se faire soigner. Ça aussi, ça m'a beaucoup surpris. La grossophobie dans le milieu médical. Quand j'ai lu le livre de Gabriel Dédier, j'ai été vraiment choqué de voir la façon dont certains médecins la traitaient, à quel point ils étaient méprisants avec elle. Être méprisant, ça signifie être arrogant et irrespectueux, montrer à quelqu'un qu'on pense lui être supérieur. C'est horrible parce que quand on va chez le médecin, c'est parce qu'on se sent mal et qu'on a besoin d'aide. Mais certains médecins ont tendance à attribuer tous les problèmes de santé à l'obésité. Si vous avez un rhume, c'est parce que vous êtes obèse. Si vous avez des maux de tête, c'est parce que vous êtes obèse. Donc, au lieu de prescrire des médicaments, le traitement est toujours le même, vous devez perdre du poids. Alors évidemment, je ne dis pas que l'obésité ne provoque pas de problèmes de santé, surtout les formes d'obésité graves, il y a des risques bien connus, mais le problème, c'est qu'à cause des croyances grossophobes, certains médecins ne traitent pas les personnes obèses de manière objective. Ils prescrivent tout de suite un régime, sans chercher plus loin, mais parfois, ces régimes finissent par avoir des conséquences bien plus graves que les problèmes de poids, comme ça a été le cas pour Gabriel Dédier. Si bien qu'aujourd'hui, les sites d'associations contre la grossophobie publient des listes de médecins et de spécialistes non grossophobes, et au contraire, une liste de ceux à éviter. Enfin, le dernier problème, c'est le manque de représentation des personnes grosses ou obèses dans les médias, les films, etc. Quasiment la moitié des Français sont en surpoids ou obèses, mais on ne les voit jamais à la télévision ni dans les magazines. Et les rares fois où ils sont représentés, ce sont des caricatures. Le meilleur ami gros mais un peu bête, la fille grosse qui essaye de perdre du poids pour enfin trouver l'amour. À chaque fois, ces personnages sont réduits à leur corpulence, comme si leur poids définissait leur personnalité. Ça fait déjà plusieurs années que ce débat existe pour les personnes issues des minorités, mais pour les personnes en surpoids ou obèses, ça reste assez tabou, parce que certains pensent que si on leur donnait plus de visibilité, ça banaliserait l'obésité et encore plus de personnes deviendraient obèses. En tout cas, en France, selon le sondage de la Ligue contre l'obésité que j'ai déjà cité, un Français sur trois le pense, un tiers des Français. Mais on ne pourra pas lutter efficacement contre la grossophobie tant qu'on ne donnera pas plus de visibilité aux personnes qui en sont victimes. Pour conclure, je répète que je ne nie pas les risques de santé liés à l'obésité. L'obésité peut avoir des conséquences graves, c'est pour ça qu'elle est considérée comme une maladie par l'Organisation mondiale de la santé. Le problème, et là je cite Gabriel Dédier, c'est que nous vivons dans une société schizophrène. Grossir devient de plus en plus facile, mais les obèses sont des pestiférés. Des pestiférés, ce sont des personnes qui sont malades de la peste, cette maladie infectieuse qui a fait des millions de morts au Moyen-Âge. Contrairement à ce que pense une partie des Français, la grossophobie n'est pas un moyen d'encourager les personnes grosses à perdre du poids. Bien souvent, elle ne fait que renforcer le problème. Elle en fait une simple question de volonté individuelle, alors que, comme on l'a vu, les facteurs biologiques et sociaux jouent un rôle déterminant. Voilà. Je ne suis pas sûr d'avoir complètement répondu à la question. Je n'ai pas réussi à trouver d'études sérieuses qui comparent la grossophobie au niveau international. J'ai l'impression qu'elle est plus présente chez nous que dans d'autres pays, mais peut-être que je me trompe. Dites-moi dans les commentaires de l'épisode s'il y a beaucoup de grossophobie chez vous. Comme ça, on aura quelques éléments de réponse. Dans tous les cas, merci pour votre attention et je vous retrouve dans 2 semaines avec Ingrid pour parler de télétravail. À bientôt! Bienvenue à Sentez-vous mieux, le balado qui vous aide à améliorer votre santé et perdre du poids, une astuce à la fois. Chaque semaine, nous aborderons un sujet en lien avec la santé métabolique et la perte de poids, et nous vous donnerons une astuce à essayer pour vous aider à atteindre vos objectifs. Vos hôtes sont Dr. Evelyne Bourduarois, médecin de famille certifié en médecine de l'obésité, et Sophie Roland, neuroscientifique et candidate à la maîtrise en nutrition humaine fondamentale et appliquée. Bonjour! Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va vous parler de la grossophobie afin d'en comprendre les impacts néfastes à des nombreux niveaux sur les personnes concernées, oui, mais sur la société en général aussi. En particulier, on va discuter des types de grossophobie, des préjugés et des stéréotypes, ainsi que des conséquences sur la santé mentale et physique. À la fin de l'épisode, comme à l'habitude, nous vous offrirons une astuce simple pour vous aider à atteindre vos objectifs. Avant d'aller plus loin, nous aimerions vous inviter à vous inscrire à notre infolettre sur www.solutions-santé.ca, tout en bas de la page. Nous n'envoyons d'infolettre que lorsque nous avons des nouveautés à annoncer, comme par exemple quand nous avons ouvert les inscriptions pour le 2e sommet virtuel de la santé métabolique ou quand nous donnons des conférences gratuites ou autres. Promis, vous ne serez pas submergé de courriels intempestifs de notre part, alors inscrivez-vous et restons en contact. Vous savez, le sujet de la perte de poids en est un qu'on aborde souvent. A priori, certains pourraient penser que c'est parce qu'on croit que tous devraient être minces, qu'on est contre le courant du body positive ou encore de l'acceptation de soi tel qu'on est. On va donc profiter de cet épisode pour rectifier le tir un peu. Le poids d'un individu sur la balance et l'apparence de cet individu sont plutôt trompeurs. On juge rapidement les gens à leur apparence physique et on tire parfois des conclusions sur les habitudes de vie de la personne que l'on juge en se basant sur la corpulence de cette personne. En réalité, on ne peut pas savoir grand-chose des habitudes de vie de quelqu'un en se basant sur son poids. Il y a des gens très, très minces ou avec un poids normal ou en surpoids qui sont en excellente santé métabolique. Tout comme il y en a qui sont en très mauvaise santé métabolique, et il y a évidemment n'importe quoi entre les deux. Selon une étude récente aux États-Unis, environ un tiers des personnes en surpoids auraient une excellente santé métabolique et une excellente masse musculaire, et environ 2/3 des personnes avec un indice de masse corporelle normal seraient en bonne santé. Nous, pourquoi on parle souvent de poids? Dans les faits, on veut parler de la composition corporelle surtout. La composition corporelle se réfère au pourcentage ou encore aux proportions de muscles, d'eau, d'os, de graisse corporelle qu'on retrouve chez une personne. C'est le genre d'information qu'on peut obtenir en faisant une analyse par bioimpédance ou encore avec un scan DEXA, aussi appelé en français une lipodensitométrie combinée avec une ostéodensitométrie. Quand les proportions sont sous-optimales, par exemple quand il n'y a pas assez de muscles ou quand il y a plus de gras que ce qui est souhaitable selon les normes, en particulier quand ce gras se trouve dans la cavité abdominale, dans les organes et autour de ceux-ci, c'est problématique pour la santé métabolique. Mais la plupart des gens ne savent pas c'est quoi la composition corporelle. Alors, quand on parle souvent, pour alléger et rendre cela compréhensible, on parle tout simplement de poids et de surpoids. On sait que ça intéresse les gens de parler de perte de poids. La majorité des adultes de notre société actuelle désirent perdre du poids selon les statistiques. Donc, on sait que c'est un sujet qui intéresse, mais on sait aussi qu'il vaudrait mieux qu'on s'intéresse à la composition corporelle et à sa santé métabolique. Alors, on a concilié les deux en se disant que si on présente des informations sur la perte de poids, mais qu'en réalité, on profite de cette occasion pour faire de l'enseignement sur la santé métabolique, alors on remplit notre mission. On vous donne un exemple concret qui va peut-être vous surprendre. Quand j'ai fondé mon ancienne clinique de renversement des maladies chroniques liées au style de vie en 2017, je ne m'attendais pas vraiment à faire de la médecine de l'obésité. Puis, je pensais surtout voir des gens qui allaient vouloir renverser leur diabète de type 2. À cette époque-là, je n'étais pas partout certifiée en médecine de l'obésité par l'American Board of Obesity Medicine. C'est vraiment juste plus tard que j'ai constaté que je n'avais vraiment pas beaucoup de connaissances sur le sujet et qu'il y a vraiment très, très peu de médecins formés en médecine de l'obésité au Québec. Donc, pour moi, j'ai vu que c'était une grande lacune dans ma pratique. C'est juste après que je suis allée me former puis me certifier là-dedans. Mais bon, à l'époque, ce n'était pas dans mon radar. Mais de plus en plus de personnes s'inscrivaient à ma clinique pour d'autres raisons que le renversement du diabète de type 2. Et je me rappellerai toujours d'une dame en particulier qui est venue à la clinique dans le but de perdre du poids. Le hic, c'est que cette dame était en train de combattre un cancer du sein. On sait que l'alimentation cétogène peut être utilisée dans certains contextes pour certains cancers, dans certaines cliniques dans le monde, surtout aux États-Unis et en France, comme traitement adjuvant, mais évidemment pas au Québec. Et moi, je ne suis aucun patient ayant le cancer, donc ce n'était pas quelque chose que l'on proposait à la clinique. J'ai donc dit à cette patiente qu'elle ne pouvait pas s'inscrire avec nous et que je n'allais pas pouvoir lui enseigner le cétogène pour l'aider à combattre son cancer. Elle m'a répondu, « Ne vous inquiétez pas, docteur, je ne viens pas ici pour mon cancer, je viens ici pour perdre du poids parce que je veux avoir l'air d'être en bonne santé. » Et là, vous pouvez penser ce que vous voulez d'une telle déclaration ou d'un tel désir de la part d'une personne qui est en train de lutter pour sa vie. Moi, ça m'avait vraiment ébranlée. Et j'ai longtemps réfléchi à ça pour comprendre et pour ne pas être dans le jugement. Qu'est-ce que j'en ai conclu? Avant de vous le dire, je vais vous parler des autres patients qui venaient me consulter pour le renversement de leur diabète, justement, ceux que je croyais qui allaient être ma patientèle cible. Moi, là, je ne suis pas une fille de marketing. Alors, quand j'ai ouvert ma clinique, qui était à but non lucratif, j'avais dans la tête d'offrir aux gens intéressés une approche novatrice, inconnue, unique au Québec à cette époque, pour renverser leur diabète de type 2. Et que... juste le fait que ça soit enfin offert chez nous au Québec en français, les gens allaient faire la file dehors. mais ça n'a pas tout été ça. En fait, juste parler de diabète, ça n'a pas été super vendeur. Les gens voulaient une clinique qui faisait aussi de la perte de poids. Puis là, c'est là que j'ai fait le lien avec la patiente qui visitait pour un cancer du sein. Les gens venaient nous consulter pour tel et tel problème de santé, par exemple le diabète, mais aussi la maladie du foie gras ou l'hypertension artérielle ou la fibromyalgie ou le syndrome métabolique, etc. Et leur objectif principal officiellement était de renverser leur maladie chronique. Et à chaque suivi, on mesurait leurs paramètres comme la tension artérielle, le tour de taille, le poids, etc. Puis à toutes les 3 mois, on leur faisait des prises de sang de contrôle. Et là, classiquement, on avait des patients qui étaient passés d'un taux de sucre dans le sang, par exemple 10 ou 15, hein, ce qui est franchement trop élevé, à 6, 7 ou 8, et dont le bilan sanguin s'était nettement amélioré, et qui nous disaient à quel point ils se sentaient mieux, à quel point ils avaient une meilleure énergie, plus de clarté mentale, un meilleur sommeil, etc. Ces mêmes personnes, si elles n'avaient pas perdu de poids sur la balance, elles étaient extrêmement déçues et souvent voyaient l'ensemble de leurs efforts et de leurs résultats comme un total échec. Vous imaginez? Bref, tout ça pour dire que le poids, le surpoids, la perte de poids sont des choses qui intéressent et préoccupent beaucoup les gens et que si nous, on fait semblant de ne pas le comprendre et qu'on ne l'adresse pas, on passe à côté de quelque chose de très important. On a compris que c'était correct et même nécessaire de parler de poids et que c'était une porte d'entrée pour ensuite intéresser les gens à leur santé métabolique, leurs marqueurs sanguins, leur composition corporelle, leur masse musculaire, leur énergie, leur clarté mentale, leur inflammation, leur santé cardiovasculaire, leur sommeil, leur habitude de vie. Vous voyez, on faisait le tour de la question. Autrement dit, il faut rejoindre les gens là où ils sont et il faut les accompagner dans un cheminement vers un élargissement de leur objectif, c'est-à-dire viser la santé métabolique, la santé globale physique et mentale, même si le point de départ dans leur cœur, c'est la perte de poids. Donc, tout ce préambule, en fait, pour faire un tremplin vers notre sujet du jour, la grossophobie. C'est quoi exactement la grossophobie? La grossophobie, c'est un terme encore peu connu, qui est la discrimination ou les préjugés contre les personnes en surpoids ou obèses. Ça peut se manifester par des moqueries, des stéréotypes négatifs, des commentaires blessants ou même par un mauvais traitement dans les domaines comme le travail, la santé et les relations sociales. En gros, c'est traiter les gens différemment et souvent injustement, simplement en raison de leur poids. Donc, les personnes qui ne rentrent pas dans un moule de minceur sont souvent rejetées ou dévalorisées dans plusieurs aspects de leur vie. Et croyez-moi, ça arrive plus souvent qu'on le pense. Beaucoup de Québécois pensent que les personnes grosses ne sont pas en forme, qu'elles mangent mal, qu'elles sont inactives, qu'elles n'ont aucune volonté ou ambition dans la vie. Cependant, en réalité, beaucoup de gens, peu importe leur poids, ne font pas assez d'exercice et ne mangent pas équilibré. Beaucoup de gens minces ou d'apparence relativement mince sont en très mauvaise santé métabolique. On ne peut donc pas connaître l'état de santé d'une personne juste en la regardant, alors il faut arrêter de juger. Il y a trois différents types de grossophobie. Premier type de grossophobie, intrapersonnelle. La grossophobie intrapersonnelle se manifeste lorsque des individus adoptent les préjugés sociaux sur le poids et les applique à eux-mêmes, ce qui peut mener à une faible estime de soi. Les personnes peuvent développer une faible estime d'elles avec une image corporelle négative en raison de leur poids. Ça, Sophie, ça me fait penser à une patiente que j'ai déjà eue qui était adjointe administrative et qui m'a avoué que toute sa vie, elle n'a jamais osé parler de ses idées à son patron ou de lever la main pendant les réunions parce qu'elle se disait qu'une femme en surpoids, ben, ça devait se faire discrète et surtout qu'elle n'était visiblement pas aussi bonne que les autres, étant donné son surpoids. L'autre truc que ça peut amener, c'est que les individus peuvent ressentir de la honte, de la culpabilité à propos de leur poids, croyant qu'ils méritent les attitudes discriminatoires des gens qu'ils vont rencontrer. Ça peut aussi les amener à avoir peur de prendre du poids. Il peut y avoir une peur intense et parfois irrationnelle de prendre du poids, menant à des comportements alimentaires restrictifs ou encore compulsifs. Ça, on le voit souvent avec les personnes qui nous consultent pour perdre du poids, mais qui ont déjà un indice de masse corporelle sous la barre des 18,5, c'est-à-dire un faible indice de masse corporelle, un poids insuffisant. Ces personnes-là, typiquement, ont un trouble des comportements alimentaires et de la dysmorphophobie, soit le fait de se voir plus gros qu'on l'est réellement et la peur de l'être ou de le devenir. C'est Evelyne, dans la catégorie de la grossophobie intrapersonnelle, ça peut aussi amener à une autocritique excessive. Ces personnes-là peuvent se critiquer durement en raison de leur apparence physique ou de leur poids, et ça, c'est influencé par la norme de beauté de la société. Autre truc, c'est que ça peut les amener dans des problèmes de santé mentale. L'auto-stigmatisation peut mener à des troubles de l'humeur comme la dépression, l'anxiété. Ça peut les mettre dans un état de détresse émotionnelle accrue. Oui, la détresse émotionnelle, on la voit en clinique de médecine de l'obésité. C'est vraiment assez fréquent que les gens qui me consultent éclatent en sanglots et me disent qu'ils n'en peuvent plus de leur poids, de leur corps, que ça les rend obsédés, que ça les rend déprimés. Vraiment, ça, je le vois régulièrement, la détresse émotionnelle que ça peut engendrer. Autre truc, ça peut mener à des comportements alimentaires désordonnés. C'est-à-dire que ces personnes-là peuvent adopter des régimes alimentaires extrêmes. Ils vont utiliser des produits amaigrissants ou recourir à des méthodes dangereuses pour perdre du poids, ce qui va aussi affecter leur santé physique et mentale. Un bon exemple de ça, c'est les régimes très hypocaloriques, très drastiques, qui promettent une perte de poids genre 30 livres en 2 à 4 semaines. Le régime de la soupe aux choux en est un exemple de ces méthodes extrêmes. Je n'ai jamais essayé celui de la soupe aux choux, mais j'en ai essayé plusieurs autres. Autre truc, dans le type de grossophobie intrapersonnelle, ça peut mener à l'isolement social. La honte, la culpabilité liées au poids peuvent pousser les individus à s'isoler socialement pour éviter les jugements et les humiliations. J'ai vu récemment un post dans un groupe de médecins anglophones d'une femme, une médecin, qui avait une spécialité médicale très, très prenante, avec des longues heures, beaucoup de nuits de garde, etc. Elle avait enfin réussi à insérer des vacances dans cet horaire ultra chargé avec sa famille. Ils avaient décidé d'aller dans le sud et de profiter du soleil et de la plage. Bien, la médecin nous écrivait son post en pleurant, en nous disant qu'elle avait mis son maillot, qu'elle s'était vue dans le miroir et qu'elle avait dit à sa famille de sortir, qu'elle allait les rejoindre. Mais elle est restée dans sa chambre pour fondre en larmes. Elle nous disait qu'elle était incapable de sortir de sa chambre, qu'elle avait trop honte d'elle, qu'elle préférait tout rater de sa semaine de vacances que de sortir en public. N'est-ce pas infiniment triste, cette situation? J'ai eu beaucoup d'empathie pour cette collègue. Je la connais même pas dans la vraie vie, là, mais je la comprenais. Oui. En effet. Dernier truc, la réduction de l'engagement dans les activités saines. La peur du jugement peut dissuader les personnes de participer à des activités physiques ou sociales, ce qui peut nuire de façon générale à leur bien-être global. Oui, j'ai déjà eu plusieurs patients, moi, qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas, qu'ils ne voulaient pas s'inscrire à un gym parce que les gens au gym, ils sont en forme, ils ont des gros muscles, ils sont rendus minces. Il y a très peu de gens en surpoids dans les gyms, du moins selon la perspective de mes patients. Et ces patients-là me disaient qu'ils ont vraiment l'impression que s'ils vont dans un gym, ben, ils vont se faire regarder de travers. Donc, mieux vaut ne pas y aller. C'est fou l'impact que ça a. On est rendu au deuxième type de grossophobie, celle qui est interpersonnelle. Hein. La grossophobie interpersonnelle, c'est une forme de discrimination basée sur le poids qui se manifeste dans les interactions entre les individus. En d'autres termes, il s'agit d'une attitude ou des comportements discriminatoires, des commentaires négatifs que les gens expriment directement envers la personne en surpoids ou obèse. Et ça peut inclure... des moqueries, des insultes, faire des blagues, faire des commentaires méchants sur le poids de quelqu'un. Même une blague, là, quand la blague est méchante, ben c'est pas une vraie blague, hein? C'est un commentaire méchant pour faire rire les autres, pour humilier. Je veux t'interrompre parce que je vais te dire quelque chose de très personnel. C'est pas un secret pour personne, j'étais en surpoids, voire obèse toute ma vie, là, en up and down, de diète yo-yo et tout. Quand je travaillais à la banque, à un moment donné, je m'étais comme à côté la fesse sur le bord d'une table. Il y a un gars en face de moi qui a dit « Fais attention pour pas briser la table. » C'est fou comment ça m'avait blessée, évidemment. C'était comme une genre de mauvaise blague, là. C'était directement ça, la grossophobie interpersonnelle. Lui, il a dû se trouver très drôle en plus, hein? Lui, là, il était extrêmement maigre. C'était un homme extrêmement maigre. Dans ma tête, tu sais, je pense que la grossophobie, ça existe aussi en sens contraire, là, mais tu sais, comme ma réaction de blessée méchante, que j'ai pas dit parce que c'est pas mon genre de répondre du tac au tac, mais c'est te dire, ben peut-être que toi, tu gagneras d'en avoir plus de poids parce que clairement, il était plutôt vraiment très, très, très maigre. Puis probablement qu'il voulait pas, lui, être maigre comme ça. Pareil comme moi, je ne voulais pas avoir ce surpoids-là. On est méchant hein, envers les gens qui n'ont pas exactement le moule parfait, normal, standard, normatif dans la société. Hein. C'est incroyable. Oui. Mm. C'est fou. À part des moqueries et des insultes, on parle aussi de discrimination directe. On peut traiter quelqu'un de manière différente ou injuste en raison de son poids, comme lui refuser un emploi ou lui refuser un service. Il y a aussi les comportements de rejet. On exclut ou on ignore quelqu'un à cause de son apparence physique. Imaginez des enfants dans la cour de récréation. On doit choisir qui va faire partie de l'équipe A, qui va faire partie de l'équipe B pour jouer au ballon. On peut imaginer le scénario où les enfants qui sont en surpoids sont les derniers choisis ou sont carrément pas choisis, puis ils n'ont pas le droit de faire partie de l'équipe pour jouer au ballon en raison de leur poids. Finalement, quatrième, stéréotype négatif. Supposer que les personnes en surpoids sont forcément paresseuses, manquent de volonté ou ont de mauvaises habitudes alimentaires. Exemple de grossophobie interpersonnelle? Dire à quelqu'un, je pense que tu devrais vraiment faire un régime ou il me semble que tu serais plus jolie si tu perdais du poids. Ne pas inviter une personne en surpoids à des activités sociales ou à des événements parce qu'on pense qu'elle ne pourra pas suivre le groupe ou qu'elle va se sentir mal à l'aise. Ne pas embaucher quelqu'un parce qu'il est ou qu'elle est en surpoids en supposant qu'il ou elle ne pourra pas bien faire le travail. Maintenant, parlons du troisième type de grossophobie, la grossophobie institutionnelle. La grossophobie institutionnelle est une forme de discrimination basée sur le poids qui est intégrée dans les structures, les politiques, les pratiques et les normes des institutions et des organisations. Elle résulte en des traitements injustes ou des inégalités systématiques à l'égard des personnes en surpoids ou obèses. Contrairement à la grossophobie interpersonnelle qui se manifeste par des interactions individuelles, la grossophobie institutionnelle est enracinée dans les systèmes sociaux et influence divers aspects de la vie quotidienne des individus. Imaginez ne pas trouver de vêtements à votre taille ou que les sièges publics sont trop petits pour vous. Et parlons même pas des équipements sportifs, un manque d'équipements médicaux adaptés ou des normes de beauté irréalistes dans les médias. Voici quelques manifestations de la grossophobie institutionnelle. Les politiques discriminatoires. Les politiques et les règlements des institutions, comme les écoles, les lieux de travail, les services de santé, peuvent désavantager systématiquement les personnes en surpoids. Exemple, une politique de recrutement qui préfère implicitement les candidats de poids normal ou absence de protection contre la discrimination basée sur le poids. Deuxièmement, accès inégal aux services et aux infrastructures. Les infrastructures publiques et privées, telles que les sièges dans les transports, les équipements sportifs, les vêtements, sont souvent conçus pour des personnes de taille moyenne, excluant ainsi les personnes de taille plus forte. Exemple, sièges d'avion ou de cinéma trop étroits pour les personnes en surpoids ou manque de vêtements disponibles dans les tailles plus grandes. Par exemple, à l'hôpital, souvent nous oblige à porter des scrubs, mais il faut absolument s'assurer qu'il y ait des vêtements de la taille de toutes les personnes qui sont des employés de l'institution. Donc, quand les personnes en surpoids ne trouvent pas des scrubs à leur grandeur alors que le port du scrub est obligatoire, bien ça, c'est un exemple de grossophobie institutionnelle liée aux services et aux infrastructures. Troisième exemple, les pratiques en santé inéquitables. Les pratiques médicales peuvent être biaisées, comme l'utilisation excessive de l'indice de masse corporelle, ce qu'on appelle l'IMC, pour juger de l'état de santé d'une personne sans tenir compte de sa condition physique réelle ou de ses besoins spécifiques. Par exemple, diagnostiquer et traiter des problèmes de santé uniquement à travers le prisme du poids en ignorant les autres facteurs pertinents. Ah, ça, en clinique de l'obésité, je l'entends souvent de la part de mes patients qui m'ont dit « Écoute, j'ai consulté à l'urgence parce que j'étais essoufflée ou j'ai consulté à l'urgence parce que j'avais mal dans les chevilles ou dans les mollets. » Et on m'a dit « Ben, si vous étiez moins grosse, madame, hein, vous ne seriez pas essoufflée comme ça. » Donc, ce genre de commentaire-là où la personne n'a même pas eu une investigation appropriée pour voir mais quel était le problème, tout était ramené à « si vous avez des problèmes de santé, c'est visiblement à cause de votre surpoids, venez même pas nous consulter, vous n'avez qu'à maigrir, madame, puis tout va mieux aller. » Mon Dieu que je l'entends souvent celle-là. Quatrième, représentation médiatique négative. Les médias peuvent perpétuer des stéréotypes négatifs sur les personnes en surpoids, les dépeignant souvent de manière dévalorisante ou ridicule. Exemple, les personnages en surpoids dans les films ou dans les séries télévisées sont souvent utilisés comme des éléments comiques ou sont associés à des traits de caractère négatifs. Alors là, vous vous demandez pourquoi c'est pertinent de parler de grossophobie? Bien, tout d'abord parce que c'est essentiel de sensibiliser et d'éduquer le public. Les préjugés, les stéréotypes liés au poids sont souvent basés sur des fausses idées. Lutter contre la grossophobie nécessite des efforts à tous les niveaux de la société, que ce soit par l'éducation, la modification des politiques, l'amélioration de l'accessibilité, la promotion de représentations positives ou encore le soutien communautaire. Chaque action compte. Maintenant, on fait quoi avec ça? Mais la grossophobie, c'est un problème sociétal, mais chaque individu peut jouer un rôle crucial dans la lutte contre cette forme de discrimination. Voici quelques actions concrètes que nous pouvons tous entreprendre. Première, s'informer, lire des livres, des articles, des études sur la grossophobie pour mieux comprendre les impacts. Sensibilisation. Partagez ce que vous avez appris avec votre entourage. La sensibilisation commence par la conversation. Autoréflexion. Prenez le temps de réfléchir à vos propres attitudes et croyances sur le poids et le surpoids. Remettez remet en question les stéréotypes, les préjugés que vous pourriez avoir intériorisés. Ouverture d'esprit. Soyez ouvert à changer votre perception et à adopter une attitude plus inclusive et plus respectueuse. Évitez les commentaires négatifs. Ne faites pas de remarques sur le poids ou l'apparence physique des autres, même en plaisantant. Surtout, faites pas des commentaires négatifs sur l'apparence des autres devant vos enfants, parce qu'ils vont apprendre que c'est correct d'avoir une opinion sur le corps des autres et de commenter cette opinion-là à voix haute. Aussi, utilisez un langage positif. Lorsque vous parlez des corps et du poids, utilisez un langage qui valorise la diversité corporelle et qui est exempte de jugement. Et là, je m'adresse aux professionnels de la santé. Le terme « obésité morbide » n'a plus sa place dans notre vocabulaire. À l'origine, le terme « morbide » désignait le fait qu'il s'agissait d'une obésité qui entraînait des morbidités, c'est-à-dire d'autres problèmes de santé. Il y a plein de choses qui peuvent entraîner des problèmes de santé, mais de nos jours, on réserve le terme « morbide » pour parler d'obésité. On ne dit jamais « hypertension artérielle morbide » pour parler d'hypertension sévère, même si l'hypertension sévère peut entraîner de l'insuffisance rénale, par exemple. On ne dit jamais non plus « apnée du sommeil morbide » pour parler d'apnée du sommeil sévère, même si ça peut entraîner une panoplie de problèmes de santé. Alors, pourquoi avons-nous conservé « obésité morbide » pour décrire une obésité sévère? Bien, parce que dans obésité morbide, il y a du péjoratif, il y a du jugement, il y a du dégoût. Et il y a la présomption que si cette personne est obèse, c'est forcément qu'elle est en mauvaise santé. Ça, c'est de la grossophobie et ça n'a plus sa place dans notre société, ça n'a plus sa place dans le vocabulaire des professionnels de la santé, à mon avis. Si vous êtes témoin de discrimination ou de moquerie basée sur le poids, intervenez de façon appropriée pour défendre la personne qui est visée. Soutien. Montrez votre soutien aux personnes en surpoids en étant un allié actif. Écoutez-les, validez leur expérience. Participez à des campagnes locales ou à des initiatives visant à promouvoir l'inclusivité et à combattre la grossophobie. Plaidoyer. Soutenez les organisations et les mouvements qui militent pour les politiques inclusives et équitables dans tous les secteurs de la société. Suivez et partagez du contenu de créateurs qui promeuvent une image positive et diverse des corps. Représentation. Si vous travaillez dans les médias, la mode ou toute autre industrie influente, plaidez pour une représentation plus inclusive et réaliste des corps. C'est maintenant l'heure de l'astuce de la semaine. Cette semaine, informez-vous mieux sur la grossophobie, même si vous pensez que ça ne vous affecte pas, même si vous croyez que vous n'entretenez pas de préjugés envers les gens vivant avec un surpoids. Nous vous suggérons d'aller écouter un podcast sur YouTube intitulé « Grossophobie, victimes de préjugés à cause de leur poids, ça commence aujourd'hui ». Où vous entendrez des témoignages touchants qui abordent la grossophobie afin de comprendre l'expérience des personnes concernées et en parler avec votre entourage pour promouvoir des attitudes inclusives. Nous vous mettrons le lien dans les notes de l'épisode. Nous sommes rendus au message clé de l'épisode. La grossophobie a des impacts négatifs sur la santé physique et mentale. Impact sur la santé mentale, la grossophobie peut entraîner de la dépression, de l'anxiété, une faible estime de soi chez les personnes en surpoids. Les moqueries et les stigmatisations répétées peuvent avoir des effets psychologiques dévastateurs. Sur la santé physique, la peur d'être jugée pousse certaines personnes à éviter les consultations médicales, retarde ainsi le diagnostic et les traitements nécessaires, et cela peut aggraver les problèmes de santé existants. Opportunités professionnelles. Les préjugés liés au poids peuvent limiter les opportunités professionnelles conduisant à des inégalités économiques. Éducation. Les enfants en surpoids peuvent être victimes de harcèlement scolaire affectant leur performance académique et leur bien-être général, ce qui risque d'affecter leur trajectoire de vie. Diversité corporelle. Accepter et célébrer la diversité corporelle est essentiel pour créer une société inclusive où chacun se sent valorisé et respecté. Finalement, égalité des droits. Combattre la grossophobie contribue à l'égalité des droits et des opportunités pour tous, indépendamment de leur taille et de leur poids. N'oubliez pas d'aller vous inscrire à notre infolettre. qui est envoyé peu souvent, mais qui annonce nos nouveaux projets et programmes. Alors, allez sur solutions-santé.ca, descendez tout au bas de la page et rejoignez nos 15 000 abonnés. C'est tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.